Shema Israel Adonai Ekenu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Ekenu Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est en toi. Israel, Adonai Ekenu, Adonai Echad. Ishma Israel, Adonai qui se passe dans ma vie. Parfois, je me demande même où est-ce que je me trouvais. Parce que je me suis rendu compte de beaucoup de choses dans lesquelles j'étais plongé et que si ça ne dépendait que de moi, je n'avais aucune capacité d'abandonner ces choses-là. Par exemple, les milieux dans lesquels j'ai fréquenté par le passé et même les dénominations. Parce que j'ai un certain livre que j'avais même pu acheter pensant qu'en les lisant, je pouvais retrouver la solution, en fait, ce que mon cœur voulait. Donc, et l'autre jour encore, je réfléchissais, j'ai mis ces livres-là dans un classique que je devais même venir ici avec. Bon, c'est vrai que quand je venais avec le frère, je n'étais pas à la maison, je suis quitté d'où j'étais pour rencontrer justement le frère pour qu'on vienne. Donc j'avais déjà apprêté ça comme il devait venir avec, voir comme le frère. Je crois qu'on va brûler ça parce que vraiment, ces livres-là que j'ai achetés, à un moment donné, ça a augmenté vraiment l'égarement dans lequel même je me trouvais. Donc et je rends infiniment grâce au Seigneur. Vraiment pour ce qu'il a en train de faire dans ma vie. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore comprises, mais je crois que par l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur va m'aider à comprendre. C'est vrai que ma vie même, parfois je demande au Seigneur vraiment où est-ce que j'étais. Donc c'est d'en faire ça, le témoignage que. Yeah. vrai, sans vous mentir, vraiment, c'est quand je suis en train d'écouter ces enseignements que je me rends compte vraiment de ce que c'est que la vie de Christ. Parce que c'est pas, il ne suffit pas de parler ou de dire des choses. Parce que dans les milieux que j'ai déjà fréquentés, on faisait beaucoup de bruit, on faisait beaucoup de choses, mais. Et quelqu'un en passant pouvait se dire qu'il y avait Christ. Mais dans le fond, c'est du désordre. Mais quand je me rends compte de ce qui, des réalités qui se passent, vraiment, je vois que vraiment le Seigneur, vraiment, ces enseignements-là, c'est la vie. Donc, il n'y a pas des choses là-dedans qui font que je puisse me référer encore à ce que j'écoutais par le passé et qui pouvait m'égarer. Donc, au fur et à mesure, le Seigneur, vraiment, je suis béni par ces enseignements. Amen. Et entre-temps, ça fait que pendant que je lis même la parole de Dieu, c'est comme si j'avais une autre lunette tant que je suis en train de lire. Parce que des questions que je n'avais pas à poser autrefois, ces questions-là viennent. Ça vient. Donc ces questions-là viennent en fait pour m'éclairer davantage. Parfois quand j'arrive ici, je les pose. Quand le Seigneur l'utilise pour répondre, je suis davantage éclairé. Ça me pousse encore à faire les recherches dans la parole. Amen. Ça c'est le témoignage. Question? Bon, ma question, la première est dans 2 Jean. 2 Jean. 2 Jean le verset 9. Bon, c'est à partir du verset. Vérifiez donc d'abord que le téléphone soit fermé pour qu'on ne commence pas et que ça sonne. Vérifiez que votre téléphone soit fermé. 2 Jean verset 9. Donc, 2 Jean verset 9 à 11. Donc, je sais lui. Si tout le monde est là. Lis-le à haute voix. Bon, en fait, la question en elle-même, je vais la comprendre avec Jacques, chapitre 2, le verset 8. Bon, 2 Jean, verset 9 à 11. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Oui. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Oui. Et je vais dire, rapidement lire Jacques chapitre 2, le verset 8. Chapitre 2. Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Oui. Bon, en fait, ma question ici c'est celle-ci. Comme le Saint-Esprit parle à vous de l'apôtre Jean ici, dit que si quelqu'un venait à nous et ne nous apportait pas la doctrine de Christ, que nous ne devons pas le recevoir dans notre maison et même pas le petit salut. Bon, je veux comprendre ici d'abord ce que c'est que le recevoir chez soi et ce que c'est que le saluer. Donc, si il s'agit d'une simple salutation, en fait, si cela c'est dans. Qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit quoi? Et lui? Dis pas ça. Dis-moi salut, voir. Salut. Mais c'est ça que tu en as dit. Tu veux compliquer quoi? Bon, et par rapport à Jacques chapitre 2, verset 8. Oui. Bon, puisque déjà dans Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ avait donné. Bon, c'était une histoire, une parabole qu'il raconte. Il racontait, il disait que quand. Bon, ça concernait un homme qui. Cheminant c'était fait agresser par les brigands. Dans ce qu'on appelle la parabole du Samaritain. Voilà. Et quelqu'un a posé la question, il voulait comprendre qui est réellement son prochain. Oui. Voilà. Et j'aimerais comprendre comment donc. Concilier tous l'amour. Voilà. Bonne comment question. Comprendre l'amour avec ce passage de 2 Jean. Lis 2 Jean, prends à partir du verset 4 maintenant, jusqu'à tu descends avant d'arriver au verset 9 là, comment on va y arriver. Si 2 Jean là, allons-y à partir du verset 4. Déjà en partie du verset 4. Mm-hmm. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. Dans la vérité, oui. Selon le commandement que nous avons reçu du Père. Oui. Et maintenant, ce que je demande, Iria, non qu'on te prescrivant un commandement nouveau, oui. Mais celui que nous avons eu dès le commencement. Et ce commandement, c'est quoi? C'est que nous nous aimions les uns les autres. Donc tu vois très bien que tu as arrêté, tu as quitté de ce livre-là, aller dans Jacques, alors que le problème se trouve toujours là-bas. Les deux que tu as de vouloir poser se trouvent dans ce livre-là. Donc il ne peut pas vouloir dire quelque chose qui... Il dit que c'est commandement, ce qu'il veut prescrire, ce n'est pas un commandement nouveau. C'est ce qu'on a eu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Or tu as dit dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 8, pour vous dire, si vous accomplissez la loi royale qui consiste à aimer le prochain, vous faites bien. Donc tu ne peux même pas quitter ce livre de Jacques pour aller dans le livre de Jacques, ça se trouve là-bas. Donc ça voudrait dire que c'est compatible. Regarde bien. Mais là, continue, c'est pas terminé. Allons-y. Verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Stoppons là-bas. Donc dans ta question, au verset 9, il dit que si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas, celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Il dit que si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, les enseignements de Christ, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. N'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi le commandement de Dieu? C'est quoi le commandement de Dieu? Les prescriptions, les ordres que Dieu a donné, non? Qui en train de dire, si quelqu'un vient à vous et ne vous apporte pas cette doctrine, qui en train de donner comme ça? Donc c'est un commandement. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Donc le Seigneur a commandé que ici, s'il y a des enseignants qui viennent, parce que ce sont les gens qui enseignent dont on a parlé ici. N'est-ce pas? Ici, dans ces cadres, il est question des enseignants qui viennent pour prêcher, qui apportent les doctrines. Parce que la Bible nous a mis à nu clairement qu'il y a des gens qui ne viennent pas de Dieu, il y a des gens qui vont enseigner autre doctrine pour détourner les gens de Dieu. Donc, si tu sais que celui-ci n'enseigne pas la doctrine de Christ, la Bible est claire, ne le reçois pas dans ta maison. Quand tu ne le reçois pas, c'est parce que soit tu participes à ces mauvaises œuvres. Éphésiens chapitre 2, chapitre 5, verset 10 nous dit ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais il faut les condamner, il faut les dénoncer. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Donc, le fait que la personne apporte une mauvaise œuvre ou bien une œuvre diabolique, ça ne veut pas dire que tu détestes la personne, mais tu as de prendre la position de l'écriture pour t'écarter de lui. C'est différent par rapport à cette parabole de Samaritain où tu as de dire qu'il faut exercer la compassion. Mais si cette personne est dans le manque, dans les besoins, tu dois l'assister parce que c'est là la loi royale. Mais quand tu as ce qui est dit, venir te pervertir avec des doctrines étrangères, la Bible déclare qu'il faut s'en éloigner. Il faut faire la part des choses. C'est bien compris, n'est-ce pas? Continue, c'est pas fini. Allons jusqu'au verset 8 là. Verset 7. Mm-hmm. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Donc vous voyez effectivement leur mission, c'est une mission de séduction, n'est-ce pas? Vous voyez que ça, leur mission, c'est la mission pour la séduction. Et il est clair qu'ici on en a parlé des enseignants. Ils sont entrés dans le monde. Donc ils ont été manifestés. Alors maintenant ils vont vouloir apporter une autre doctrine qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair. Maintenant restons sur cette doctrine là. C'est la seule question que tu avais. Il y a encore une autre. Bon, on va revenir sur ça pour prendre le point d'accélérateur. Restons sur cette doctrine-là. C'est quoi ne pas confesser que Jésus est venu en chair? Puisqu'on dit que si plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. C'est quoi Jésus qui est venu en chair? Oui. En fait, c'est renier. Ne pas confesser, c'est en fait renier. Que de renier le ministère de la piété que Dieu s'est fait homme. Tu as compliqué davantage la question. Donc, répondre à l'homme dans la question, c'est quoi confesser que Jésus est venu en chair? Parce qu'on a dit que le danger, c'est que cette personne-ci, s'il ne confesse pas que Jésus est venu en chair, c'est ce qui est écrit, non? Il dit, ne le recevez pas dans votre maison. Qu'est-ce qu'il a de vouloir dire par? S'il ne confesse pas que Jésus est venu en chair. Parce que si vous ne comprenez pas, vous ne devez pas savoir si vous êtes en faute ou pas. Il faut comprendre ces choses-ci. Alors maintenant, le Saint-Esprit a dit, si quelqu'un vient chez vous et il n'apporte pas la doctrine de Christ, il n'est pas de Christ. Parce que plusieurs prophètes, séducteurs sont entrés dans le monde ceux-là, il dit par exemple, c'est pas seulement eux, hein, c'est l'un des aspects ici, c'est l'un des aspects. Il dit que plusieurs fois, c'est du tout centré dans le monde, ils ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. La question que je pose c'est, que veut dire que Jésus-Christ est venu en chair? Je veux que vous me répondiez avant qu'on avance. Parce que si on lit la Bible, continue à lire la Bible comme ça, on n'avancera pas. Allons-y. Que veut dire donc Jésus est venu en chair? Il peut commencer, il pointe alors. Frère Gildas, que veut dire Jésus est venu en chair? Jésus-Christ est venu en chair, ça veut dire refuser que Jésus-Christ est venu en chair, ça veut dire refuser que Jésus-Christ a été fait, a été humain. Mais tout le monde sait qu'il était humain. Tu as vu quelqu'un refuser qu'il était humain? Oui, frère. Ça veut dire Jésus-Christ est venu, ça veut dire. On refait la divinité de Jésus, donc Dieu lui-même qui s'est fait chair. C'est simple. Pour habiter en l'homme, voilà, devant les hommes. C'est simple. Pour que, Dieu, faire, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc voilà, vous voyez, c'est, si c'est moi qui avais dit, vous avez dit que c'est parce que c'est moi. C'est un frère nouveau, n'est-ce pas? Vous le connaissez? Frère, présente-toi, que le Seigneur te bénisse. Moi, c'est le frère Jacques. Je suis à Nouvelle-Rosité, aux alentours de Jean-Raphaël. Il y a aussi peut-être chez les musulmans. Oui. Pourquoi ils ne reconnaissent pas Jésus? Non, les musulmans, c'est un cas. C'est un cas particulier. On peut le. Quand vous voyez le plantain, là, vous pouvez regarder directement entre les fruits. Vous regardez que le plantain est différent de tous les autres fruits. Parce que lui, il est long comme ça. Là. C'est entre la mangue, la papaye, les goyaves que ça se joue parce que ça semble être rond. Donc le musulman, c'est le musulman. D'accord? Pour eux, c'est clairement autre chose. Leur histoire, ça commence depuis la Genèse là-bas. Mais la subtilité se trouve dans ceux qui s'appellent chrétiens. C'est chez eux que ça se trouve. Pour les musulmans, tu peux savoir que c'est faux. Les bouddhistes peuvent commencer à dire que les Confucius avaient dit comme ça, Bouddha avait dit comme ça. Après, on dit qu'il y a aussi Krishna qui avait dit comme ça pour essayer de mettre les différents fondateurs de religion. Mais fondamentalement, on parle ici de ceux qui sont, se disent chrétiens. Parce que la Bible va dire plus tard qu'ils sont sortis du milieu de nous. Les musulmans ne sont pas sortis du milieu chrétien. Non. D'accord, frère? Donc, vous voyez, donc, je recommence encore. Que veut dire ceux qui ne confessent pas que Jésus est venu en chair? Que veut dire confesser que Jésus est venu en chair? Donc, celui qui réunit que Jésus est venu en chair. Qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait entrer, voulait dire par Jésus-Christ est venu en chair? Allons-y en résumé encore, frère. Ça veut dire, on réunit en Jésus la divinité de Dieu. Donc, Dieu s'est fait chair, il habite en l'homme. Voilà. Pour montrer, voici le chemin que l'on doit faire pour être parfait, pour qu'il soit reconcilié avec moi, comme au début de la création. De la création de Jésus. Amen. Vous voyez comment la Bible est simple, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que toute personne qui s'élève pour prêcher que Jésus n'est pas Dieu, c'est un ennemi. Même s'il dit n'importe quoi qui est vrai par la suite, c'est la Bible qui le dit. Que Dieu vous bénisse. Il me sent déjà bien maintenant, donc ça peut, on peut commencer. Donc, à l'instant où quelqu'un dit que je ne crois pas que Jésus est Dieu, et qu'il dit que non, Jésus est né sous Ponce Pilate et autre là-bas, Marie qui va dire que la femme va se voiler, n'importe quoi qu'il va dire, c'est un ennemi. C'est un séducteur. Hein, frère, laisse comme ça, ce sont les choses qui arrivent. On fait et comment? Même si on voit là, hébreu, vous allez voir là, c'est maintenant là. Vous allez voir maintenant qu'il y a des gens qui sont oints pour prêcher la divinité de Jésus et des gens qui sont oints pour ne pas prêcher sa divinité. Donc on arrive à la question pour compléter sa question. C'est la question est vraiment bien pour continuer le thème d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu étais là dans la première partie du thème, qu'on a développé la dernière fois, jeudi. Oui, là dans ce hébreu on dit quoi? Voilà, ici au niveau de hébreu 1. Oui. Verset 8. Oui. On commence là. Mais il a dit au fils. Oui. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et éternel. Le Dieu, c'est le grand D. Oui. Mais, si on finit là, on ne continue plus. Oui. Comment on peut dire à quelqu'un qui n'est pas Dieu? On met le gros D. Oui, le grand D. Que ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint. Voilà. Voilà. Alors la question maintenant c'est. Comment les gens ne peuvent pas avoir? Comment les gens ne peuvent pas avoir? Tu ne peux pas faire que le coq puisse boire l'eau comme les êtres humains. Voilà. Et au niveau de Moïse, quand il dit qu'il veut voir la face de Dieu, oui. Et aucun ne peut me voir, oui. Il vit. Il vit. je vais passer, tu vas te cacher là, tu verras. Et le derrière. Mais on a vu le dos de Dieu. Comment on peut voir le dos de quelqu'un qu'on ne peut pas voir? On a vu le dos de qui alors? Voilà, bonne question. Parce qu'il y a un problème. Dieu a réponse. Si quelqu'un voit sa face, il va mourir. Oui. Mais comme c'est lui qui est venu sur la terre sous forme de Jésus, les gens ont vu la face de Jésus. Dans ce cas, je te pose la question, pourquoi quand il est ressuscité, les gens, il marchait avec Jésus avec qui il avait mangé, il ne savait pas que c'était lui. Parce qu'il y avait les Thomas. Non, Thomas, comme il voulait dire. Beaucoup de gens ne l'ont pas reconnu parce qu'il est sorti de la tombe. Et ça dit plus. On peut transformer. Oui, attends, je pose la question. Je vais prendre deux cas particulièrement. Les deux chrétiens qui sont allés sur le chemin de Marius, ils marchent avec une chemine jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maison. Vous causez avec quelqu'un parce que la nuit tombe, tu ne sais pas qui c'est. C'est quand il rompt le pain, c'est un tombeau. C'est quand il a rompu le pain, qu'ils ont su que ici c'est le Jésus. C'est Jésus, pas vrai? Deuxième cas maintenant. Ils sont en train de pêcher, Dans Jean 22, quand les gens sont en train de retourner à la pêche. Il dit, petits enfants, avez-vous pêché le poisson? Quelque chose, ils ont apporté. Quand ils sont sortis, au niveau de... il dit, j'étais à droite. Quand ils ont jeté le poisson, qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit là-bas? Jean a dit que quoi? Que c'est le Seigneur. Jean, il est tombé dans l'eau pour aller trouver le Seigneur. Comment se fait-il que la personne avec qui ils ont marché, ça touche le thème qu'on va continuer aujourd'hui. Comment se fait-il que la personne avec qui ils ont marché physiquement, ils ne peuvent même pas le reconnaître? Juste parce qu'il faut quelque chose pour le pousser à reconnaître que voici, il est. Ils sont parlé au niveau du visage, d'accord? Oui, frère. Bon, si on parle dans cet instant, comme au niveau de Moïse, quand il sortait à la corde, il était là, fait 40 jours, 40 nuits là. Oui. Quand il arrivait tellement, il avait la gloire. La gloire. Il fallait qu'il se voie. Voit le visage. Et les gens ne l'avaient pas supporté sa gloire. Oui. Là, maintenant, je dis, comme il était tellement flambant, maintenant, on voit maintenant sa forme d'origine. Oui. Mais du mieux, parce que s'il dégageait ça, la terre pouvait m'exploser. Oui. Donc, il a voilé ça dans la chair. Voilà. Donc, le voile que les gens mettaient sur la. Que Moïse mettait sur le voile, c'est le symbole du corps de Christ. Ok, donc on peut avancer, n'est-ce pas? Alors ici, le Saint-Esprit nous dit dans 2 Jean, verset 8, il dit que car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et qui ne confessent pas que Jésus est venu en chair. Et d'après la révélation des Écritures, la Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 3 dans la version d'Abi, mais c'est là où ça devient terrible. Si vous regardez la version Louis II de ces versets qui vient citer maintenant dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, il dit que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, vu de l'esprit prêché par les anges, vu des anges élevés dans la gloire. Vous regardez dans le grec, c'est écrit Théos. Donc c'est écrit là-bas dans la version grecque Théos. Mais on écrit celui. Comment celui veut dire Théos? Théos, ça veut dire quoi vous-même? Dieu. Donc David traduit par Dieu a été manifesté. C'est le mystère de la piété. Le mystère de la piété, de la crainte de la vie, de la crainte de Dieu. C'est que Dieu est venu dans la chair. Quelqu'un dit Emmanuel. Voilà. Donc le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc en réalité, 2 Jean, verset 8, André dit, si quelqu'un vient à vous et que vous entendez qu'il prêche une doctrine, par exemple, qu'il refuse que Jésus-Christ n'était pas Dieu venu en chair, que ce soit la fin de votre conversation. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, entre vous maintenant, vous pouvez utiliser le sentiment. Vous pouvez utiliser le compromis. Vous pouvez commencer à philosopher plus que le Saint-Esprit en disant que mais il dit quand même des choses vraies, c'est votre problème. Le Seigneur Jésus a dit ici, dans par son esprit, que ne le recevez pas, ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc tu admets avec lui qu'on marche dans l'illégalité avec Dieu. Vous qui commettez l'iniquité. Donc toute personne qui prêche ou essaie de démontrer tant bien que mal que Jésus n'est pas Dieu, c'est un ennemi. Ça peut faire, ça choque là, n'est-ce pas? Je ne dis pas que vous me regardez à l'image de votre frère ou père. S'ils sont père, mère, qui prêchent n'importe quoi, c'est leur problème. Il n'y a pas Dieu le Fils dans la Bible. Ça ne se trouve pas. Il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit dans la Bible. Ça se trouve. Il n'y a aucun verset qui parle de Dieu le Fils. Il n'y en a pas de celui qui parle de Dieu le Père. Ça ne se trouve pas nulle part dans les Écritures. Mais il y a Dieu le Père parce qu'il y a une explication. Il y a le Fils parce que le Fils n'est pas éternel. C'est le Père qui est éternel. C'est vraiment, il y a de quoi dire, vraiment. Ça va là, frère? Vous sentez bien? Ou bien vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord, vous déchirez la Bible. Vous jetez balancé au champ là-bas. Donc, sans la Bible ou avec la Bible, le Seigneur Jésus-Christ est quand même Dieu. Et donc, la Bible déclare donc l'une des choses qu'il faut éviter, dont les enseignants. Oula, il y a le moustique sur la physique. Lève-toi là. Oh, c'est pas vrai. Viens pas ici. Viens ici. Viens là, viens. Il y a le moustique. Viens, assieds-toi là. Ferme le rideau là, mon cher. Viens, lève-toi, viens t'asseoir ici. tu as arrêté. C'est toi l'autre. Donc, l'une des choses contre lesquelles on doit quitter quelqu'un, pour lesquelles on doit quitter quelqu'un, c'est le régnement de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Alors, sur ce, je vous pose la question. Ceux qui topent vos maisons, quand, ils sont généralement deux. Comment on les appelle déjà? Mais comment de façon unanime vous les connaissez comme ça? Vous les identifiez de façon unanime. Croit-il que Jésus-Christ est Dieu? Qu'est-ce que deux gens le disent? Que ce sont les séducteurs, les imposteurs, les séducteurs. On ne peut pas faire le compromis. Vous lui dites salut ou participez à ces mauvaises œuvres. C'est ce que la Bible déclare. Vous avez vos amis témoins de Jéhovah, c'est votre problème. Votre père est témoin de Jéhovah, c'est votre problème. L'écriture est intransigeante, c'est un ennemi. Bon, je reconnais que dans ces cas-là, il y a des gens du Seigneur que le Seigneur va enlever et que ce sont des enfants qu'ils ont été pervertis, que tôt ou tard ils vont rentrer. D'accord? Parce que vous regardez les écritures, même avec un œil d'un enfant, vous saurez que Jésus-Christ est Dieu. Mais si vous allez avec les lumières, avec les lumières intellectuelles, il va vous concasser le cerveau. Oui, ça sera le motamotage. Oui. Si le motamotage, vous dites que 121 verset pour prouver que Jésus est Dieu, vous soulignez Dieu le Père ici en rouge, vous mettez, et puis vous mettez de l'autre côté encore en rouge, vous soulignez le Fils Jésus-Christ. Et là, on voit Dieu clairement, on voit le Fils clairement, mais aussi quand même, il n'y a qu'une seule personne. Amen. Amen. Aussi, il n'y a pas un grand canapé où Jésus est assis avec Dieu et puis la place du Saint-Esprit manque. Où il faut qu'il finisse sur la terre et s'assoie là-bas. Où il y a quelque chose qui ne va vraiment pas avec l'être humain. Il n'y a pas Dieu le Père, Saint, le Dieu qui est trois fois Saint. Donc, il est Saint. Le premier Saint, c'est pour le Dieu, le Père. Le deuxième Saint, c'est pour le Fils. Le troisième Saint, c'est pour le Saint-Esprit. Non, il n'y a pas de telle chose. Il est tout simplement Saint. C'est la sainteté dans sa perfection. Si perfection est suffisante dans notre langage pour le qualifier. Autre question là, avant qu'on avance. Oui, par rapport au texte que vous avez demandé de lire dimanche passé. Quel texte? Nombre. Oui, chapitre 22. Oui, il y a une question là-bas. Tu as d'abord lu déjà. Hein? Donc tu devais me laisser poser la question par rapport à ce que j'ai dit, demandé de lire. Comment tu parles, tu dis que j'ai une question. J'ai dit, lisez le nombre chapitre 22 jusqu'au chapitre 25. Parce que j'avais posé la question, qui est un prophète? N'est-ce pas? Hein? Donc laissons, on va répondre à cette question à la fin. Prenons autre question. Parce que s'il n'y a pas, on avance. On peut avancer. Non, j'ai une question. Ma question. Dis-moi qui tu connais au milieu de l'assemblée ici. Tu connais le frère qui est à côté de toi. Comment tu peux t'asseoir à côté d'un frère? Tu dis que c'est mon frère, mais tu ne le connais pas. Si demain tu le vois, tu vas dire que c'est qui? Tu connais la sœur qui est à côté de toi. Je crois que chaque chose a son temps. Hein? Donc, ouais, c'est le temps de maintenant. C'est pour ça que je me suis interrompu. À ce temps, c'est pour te poser la question. Donc, comme ça a son temps, donc, qui est à ta gauche? Je ne sais pas. Bonsoir frère. Bonsoir mon frère. Moi c'est le frère Yannick. Et moi c'est le frère Olivier. Il dit faux. Moi c'est le frère Yannick, non, que je sors de Barandi. Et je suis venu parce que il y a quelque chose qui brûle en moi. Et j'ai besoin vraiment de nourrir cette chose-là. C'est pourquoi je suis là. Et que par la grâce de Dieu, je vais vraiment obtenir ce que. Que lui l'a mis à moi, parce que c'est que c'est même pas ma force, pas ma volonté. Mmh. Et c'est que c'est pas sa volonté. Amen. Quelle est ta question, mon frère? Adam, un frère, il s'appelle comment déjà? Je connais mes gens, c'est lui le dit. Je connais mes gens. Il ne pose pas la question. Frère, il s'appelle comment? Quand tu n'as pas suivi, donc tu as demandé que tu as dit quoi? Demande-lui de l'or. Oui, mon frère, qu'est-ce que tu as dit, mon frère? Non, pas qu'est-ce qu'il a dit. Il parle de son nom. Non, non, non. Voilà. Je m'appelle Yannick Nanke. Yannick Nanke. Merci, mon frère. Moi, c'est le frère Jules. Le frère? Jules. Le pasteur Julien. Il fuit le ministère. Mais il est en formation. Oui, frère, pose la question. Bon, ma question, c'est toujours dans le même sens. Tu vas te coucher. Hein. D'accord. Il y a beaucoup vraiment qui confessent Jésus-Christ. Oui. Je confesse Jésus-Christ, mais maintenant, dans la manière de vivre, oui. Bon, on est superficiel. Mm-hmm. Bon, on dit autre chose et on vit autre chose. Mm-hmm. Dans la vie, ne suis pas le dire. Et dans beaucoup de milieux où nous sommes passés, c'est presque, ce qui s'est. Parce que ce qu'on vit, on confesse vraiment Jésus-Christ comme Seigneur, comme oui. Il est Dieu. Mmh. Mais maintenant, dans la théorie, dans la pratique, dans la pratique, c'est autre chose. Mmh. Donc, comment alors on peut discerner? Dans l'un des enseignements que nous avons fait ici, nous avons parlé de comprendre l'apostasie, comprendre les avertissements pour éviter l'apostasie. Dans cet enseignement, nous mentionnions les différentes doctrines que les gens sont allés prêcher, les différents versets où on a donné les avertissements. L'un des versets donc, qu'il a soulevé, c'est l'une des façons pour les identifier. Donc, la condition que quelqu'un soit déjà un agent, d'abord séducteur, soit d'abord qui renie le Seigneur. D'accord, s'il renie le Seigneur, déjà, c'est un agent, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Mais là, s'il confie le Seigneur, la condition ne suffit pas. La Bible n'a pas dit que la condition sine qua non, c'est que quelqu'un reconnaît que Jésus-Christ est Dieu. Parce que Satan connaît que Jésus-Christ est Dieu. Satan connaît les démons, connaît qui il est. Ça ne fait pas de fait qu'il soit en Christ ou bien qu'il soit de Dieu. Donc il y a plusieurs autres choses comme ça. La Bible déclare dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, il dit qu'il y a parmi le peuple de faux prophètes, il y aura parmi vous de faux prophètes qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. D'accord? On va dire que ceux surtout qui courent d'après la chair, ils injurent les gloires. Donc tu vois, effectivement, on avait ajouté des petites choses. Hein. Si quelqu'un commence à insulter les gloires, d'accord? On commence à voir donc que c'est cela. Donc il y a beaucoup de choses qu'on doit gérer ensemble pour commencer à identifier. Maintenant, le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, et c'est là où nous avons commencé cet enseignement, que cueille-t-on un raisin sur du figue, on doit reconnaître l'arbre par son fruit. Maintenant, pour que tu puisses savoir également les styles d'arbres, si tu te montres un arbre qui sort par là en Afghanistan, que j'ai jamais vu, tu ne connaîtras pas le nom. Donc, il faut que tu connais d'abord l'arbre. Pour que chaque fois, si tu sais, tu peux identifier l'arbre. Il faut donc que quelqu'un connaisse l'arbre de vie. C'est que l'arbre de vie et quel style de vie ça produit. Et à partir de là, si quelqu'un dit qu'il est de cet arbre-là, par conséquent, sa semence se met quelque part, reproduira la vie de cet arbre-là. C'est pas vrai? Donc, deux choses. Il faut identifier l'arbre de vie, identifier les fruits que ça pose, et par conséquent, on va identifier ce qui en découle. La question même devient compliquée lorsqu'on fait maintenant pour savoir comment est-ce que l'arbre, cet arbre de vie, doit se reproduire. Est-ce que les reproductions qui sont là sont conformes à la manière de semer de cet arbre-là? D'accord, frère? C'est là le vrai problème. Le problème, c'est que est-ce que cet arbre, c'est ce qui a produit l'autre? Si tu examines que ce n'est pas ça, il n'y a pas de compromission. C'est de rejeter. Parce que tu vas beau faire n'importe comment, il n'y a pas possibilité de faire que la papaye sort sur le goyavier. C'est pas possible. Vous coupez une branche de papaye, de manguier, vous greffez sur l'oranger. Lorsque la branche va avancer, même si ça peut résister, ça ne produit. J'ai dit, si vous coupez une branche, vous savez comment faire le greffage là. Vous coupez une branche de manguier, vous allez sur le mandarinier, vous greffez là-dessus, vous attachez comme on attache là, ça produit. Même si ça peut prendre de la source de la semence. Lorsque c'est les branches, le moment de produire, c'est la mangue qui va sortir là-bas. Ça ne sortira jamais la mandarine, ni le citron, jamais. Vous suivez, n'est-ce pas? Il y aura les saveurs de la mandarine parce que ça sort la semence, ça suce de sa sève. Ça va produire, mais le fruit qui va sortir, c'est la mangue. Ça sera donc de l'hybride. On peut continuer? Oui. Ça va, frère, ça va là? J'ai une situation là dans Matthieu 19, oui. Verset 16 à 21. Donc, je crois qu'on va répondre à cette question, il faut prendre un dernier lieu, d'accord? Comme ça, on avance dans l'enseignement aujourd'hui. Vous, si vous voulez ainsi. C'est ça, non, frère? Hein? Je suis. Je pose la question. Bon, en fait, c'est quelqu'un qui est venu voir le Seigneur Jésus-Christ. Lui demandant ce qu'il doit faire pour être sauvé. Et je me rends compte que le Seigneur lui a cité, en fait, selon Deutéronome, les six derniers commandements. Bon, je voulais savoir pourquoi est-ce que le Seigneur ne lui a pas recommandé les quatre outils qui disaient que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Quand le Seigneur a dit cela, quelle était la réaction de celui-là? Bon, il a rejeté. Donc, ça dit que le Seigneur connaissait quel était son remède. Il prescrit les médicaments en fonction des maladies. C'est ce Jésus-là que quelqu'un va venir lui voir que maître, il est attiré par tout où tu iras. Il leur a dit que le fils de l'homme n'a pas où mettre la tête. Quand il a dit ça, il a encore suivi. Il a dit là, quelqu'un qui n'a pas de maison stable, c'est pas quelqu'un qui faut faire confiance, pas vrai? Mais au-dessus des gens, ils ont dit que maître, où est-ce que tu loges? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a. Comment vous parlez avec la bouche? Moi, je parle avec la bouche pour vous entendre. Je prends un même événement, on veut poser la question au Seigneur Jésus-Christ. Maître, où est-ce que tu habites? Il a dit, venez et. Ils sont allés, ils ont dormi là-bas, non? Alors, à d'autres, le Seigneur Jésus a dit de continuer sa route, il dit, D'autres disent que je te suivais partout, ils disent que tu vas me suivre. Que sache que les oiseaux ont même au moins l'air ni là-bas, mais le fils de l'homme n'a pas au moins la tête. Il a encore continué. Mais à celui-ci, il a dit que le fils de l'homme n'a pas au moins la tête, non. C'est son remède là-bas. Au disciple de Jean-Baptiste, il a dit que venez et voyez, non. Il leur a montré là où il habitait, pas vrai. Il est entré dans la maison, ils ont dormi là-bas, non. Donc celui-ci, il a donné ça en conséquence. D'autres personnes, une de vous va demander que y a-t-il qu'un petit homme qui doit être sauvé. Il a dit que efforcez-vous d'entrer. Car plusieurs voudront entrer, ils ne pourront pas. C'est pas ce qu'il écrit. Voilà. Il n'a pas dit qu'en entrant, c'est pour observer. C'est parce que celui-là croit effectivement qu'en vivant dans la loi, il doit donner la vie. C'est ça qu'il est question. La première année qu'il a présenté la loi, c'était cela éloigné. D'accord, mon frère. On peut avancer à l'homme maintenant, n'est-ce pas? Baissons, inclinons la tête et parlons lui maintenant, d'accord? Vous voulez? Inclinons la tête seulement avec le cœur prosterné. Père, nous sommes rassemblés par ta grâce et nous sommes venus nombreux aussi auparavant pour t'écouter aujourd'hui. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour pour nous, pour le fait que tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et nous as éclairés par le transport dans le royaume du Fils de ton amour. Nous te sommes reconnaissants parce que tu es le Dieu qui dit la chose accomplie et qui veille sur tes enfants. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grandeur dans nos vies, pour tes faveurs dans nos vies. Nous sommes passés les uns dans les gouffres, les autres dans les antres du grand Léviathan, mais tu nous y as sortis. Nous te sommes reconnaissants pour tous ces voies-là, pour tout l'effort, Dieu, dont nous avons eu des échecs et sur des échecs dans nos vies. Et donc, tu as utilisé ces échecs pour nous corriger et pour nous diriger sur tes voies. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants pour ce moment de rassemblement au-devant de toi, pour communier à ta table, afin que tu donnes ce repas succulent qui sort du trône du haut des cieux. Merci, Père de gloire, pour ce moment. Puisses-tu nous guider maintenant, Père de gloire, afin que nous sortions ici remplis, Père de gloire, de la connaissance, car tu as dit qu'il faut qu'on grandisse dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En toi, Seigneur, réside le mystère de la connaissance de Dieu. Nous voulons, ô Dieu de gloire, que tu dévoiles tout cela, afin que nous te connaissions davantage et observer le mystère de ta piété. Que ton nom se soit élevé, Père de gloire, au milieu de ton peuple, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Dans la semaine dernière, nous avons commencé la série sur justement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, avec ou sans la Bible. Enfin, nous avons commencé à voir cela. Et là, nous avons vu qu'il y a beaucoup de différents volets que nous allons devoir découvrir. Jésus en tant que roi, Jésus en tant que sacrificateur, en tant que Seigneur des Seigneurs, en tant que juge, en tant qu'homme, en tant que fils de Dieu, en tant que fils de David, en tant que fils de l'homme, en tant que Narcisse de Saron, en tant que Lys de la vallée, en tant que lumière du monde, en tant que l'étoile brillante du matin, en tant que l'alpha puis, en tant que oméga, en tant que l'amen, en tant que témoin fidèle et véritable, en tant que vie éternelle, tous ces attributs-là, nous allons devoir les associer. D'accord, frère? En tant que paix, nous allons devoir les examiner. En tant qu'agneau, nous allons devoir les examiner. En tant que lion, nous allons devoir les examiner. En tant que l'ange de l'Alliance, nous allons devoir les examiner. En tant qu'ancien des jours, nous allons devoir examiner. L'ange puissant, nous allons devoir l'examiner. Vous êtes d'accord? Amen. Voilà. Donc la dernière fois, nous avons commencé à voir cette série-là. Nous avons lu Luc chapitre 2 à partir du verset 25 que nous n'avons pas terminé. Par la suite, nous sommes allés dans Luc de Michée au chapitre 5 également que nous n'avons pas terminé. Nous sommes d'accord? Et l'une des principales choses que le Saint-Esprit nous a montré la dernière fois, c'est par rapport à l'origine du Seigneur Jésus-Christ en disant qu'il n'avait pas d'origine. On s'est posé des questions. En lisant la Bible, nous sommes arrêtés dans le livre de Jean au chapitre 14 où il a dit que le Père demeurait en lui avec le questionnement de ses disciples Thomas et Philippe. Nous avons vu effectivement qu'il révélait en la personne du Père qui il était. C'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas, frère? Donc aujourd'hui, nous allons avancer. Donc, là, j'ai dit, donc, l'une des principales choses que nous avons vues la dernière fois concernant cela, c'est que il fallait qu'on discerne la différence entre les deux parties ou compartiments de la personnalité du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ homme. Et pour cela, nous avons lu 1 Timothée chapitre 2, où le Seigneur a dit, nous a donné, qu'il faut qu'on prie pour tous les hommes qui sont élevés en dignité, afin qu'on ait une vie paisible. Il dit, car cela est bon et agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Puis il dit, dans ce verset 5 de 2 Timothée, chapitre 1 Timothée chapitre 2. Il dit car il y a un seul Dieu, écoutez très attentivement, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc nous avons vu que c'est Jésus-Christ, homme, en tant qu'humain. Donc lorsque nous avons vu cela, le Saint-Esprit nous a montré que lorsqu'il est en train de dire Jésus-Christ, homme, ça montre que Jésus-Christ n'est pas un simple homme. Parce que si c'était un simple homme, Dieu serait en train de nous insulter. Parce que Jésus, notre Seigneur, n'est pas un animal. Pas vrai? Malgré qu'on l'appelle lion. Il dit, je suis le lion de la tribu de Judas. Le rejeton et la postérité. Comment quelqu'un peut être rejeton et postérité? Ça c'est rameau et rejeton. Donc, nous avons vu donc que dans le Seigneur, Jésus se trouvait dans l'humanité. Donc, c'est en tant que son humanité qui intercède. Parce que les gens ne peuvent pas verser le sang. Ils n'ont pas de sang pour verser. Parce qu'en fait, ce n'est pas le sang de l'ange qui a été versé au jardin. C'était le sang humain. Lorsque l'homme est entré dans la chair, que ça s'est passé. Hébreux chapitre 2 nous dit que puisque les fils ont part au sang, il y a lui-même participé afin de délivrer ceux qui, les fils d'Abraham, n'est-ce pas? C'est aux fils d'Abraham qui deviennent en aide. Nous sommes d'accord, frère? Donc, je veux qu'on reste ici sur cet aspect-là, l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux choses l'une dans les Écritures, quand vous lisez les Écritures. Comme les Mohammedans disent que Jésus-Christ était seulement prophète. Est-ce que c'est possible qu'un prophète soit Seigneur des Seigneurs? Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est possible qu'un simple prophète, parce qu'ils disent Issa ibn Mariam était seulement un prophète. S'il est un simple prophète comme les autres, comme Moïse, est-ce que Moïse peut se taguer être le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'un prophète peut se taguer être le maître? Mais dans Jean au chapitre 13, le verset 10, 11 et 12, il a dit, vous m'appelez Seigneur et Maître, et c'est ce que je suis. Si moi, le Maître et le Seigneur et le Maître, je vous ai fait ces choses, vous devez les faire les uns les autres. N'a-t-il pas admis qu'il était le Seigneur? N'a-t-il pas admis qu'il était le Maître? Mais à Jean-Baptiste, qui est un prophète humain, on a envoyé dans Jean chapitre 1, verset 25, lui dire, es-tu le Christ? Et je ne le suis pas. C'est pas ça? Es-tu le prophète? Il a dit, je ne le suis pas. Pourquoi donc Baptiste, si tu n'es ni le prophète, ni le Christ, ni Élie? Il a déjà été envoyé au devant de lui. Puis Jean-Baptiste délivre maintenant un message que celui qui vient n'est pas un être humain normal. Il dit que celui qui vient après moi m'a précédé. Ça devait régler le problème. Et c'est là que nous avons touché la généalogie du Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Jean-Baptiste dit de lui que celui qui vient après moi, parce que dans le plan humain, Jean-Baptiste est son grand frère de 6 mois. Nous sommes d'accord? Il dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Ça veut dire que celui qui vient après moi vivait avant moi. On devrait aller donc tracer qu'il vivait dans où? Comment il était? Quelle était sa nature? Alors, l'autre question se pose. Jésus-Christ a-t-il été créé? Si oui, vous êtes en train d'admettre que Jésus était un ange. Dans ce cas, vous tombez dans le piège des témoins de Jéhovah qui disent que Jésus-Christ, en tant que créature spirituelle, est-elle celui qu'on appelle l'ange, l'archange Michael ou Michel. Parce que Michel veut dire celui qui est semblable à l'Éternel. Et après, ils disent qu'il y a un seul archange. Parce que chaque fois quand le mot archange dans le livre qu'enseigne réellement la Bible, dans le livre qu'enseigne réellement la Bible, vous savez, ça, cette chose qui distribue chaque fois dans les maisons qui est jeune, ils disent que la voix de l'archange est mise en une étroite relation avec le cri de commandement dont fait 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 et 17, en disant qu'il s'agit du Seigneur Jésus. Donc la créature, ils appellent Jésus la créature spirituelle. Donc Jésus-Christ, lorsqu'il ne vivait pas, lorsqu'il n'était pas dans la chair, était un ange. Or la Bible déclare dans Hébreux chapitre 1 que le frère s'est appris, qu'auquel des anges, Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc Dieu n'a jamais dit ça à l'ange, que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le témoin de Dieu va soutenir que Jésus-Christ est un ange. La Bible, elle, qu'elle a dans la main, dit que auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il dit, mais au fils, il a dit, ton trône, ton Dieu t'a ouvert d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. C'est pas ce qui est écrit. Comment c'est écrit que Dieu n'a jamais dit à un ange que tu es mon fils? Quelqu'un soutient que Jésus était un ange. Vous voyez que quelque chose va pas chez les gens, n'est-ce pas? Après, ils disent que chaque fois quand l'écriture met en relation Michel, le titre d'archange, il utilise ça au singulier. C'est pas faux. Mais un archange n'est pas venu. On dit des archanges Michel sont venus. Pas vrai? Donc, c'est une bêtise que de dire des choses, de ces affirmations. Alors, au Cameroun, combien de généraux y a-t-il? Vous avez entendu, on n'a jamais dit les généraux se mengent. Mais le fait que c'est dit le général Semenge, ça suppose donc, dit comme ils écrivent dans ce livre, quand c'est réellement la Bible. En fait, le titre devrait être qu'est-ce que la Bible n'enseigne pas. Donc tout ce qu'ils enseignent là-bas, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Donc quand c'est réellement la Bible, devrait être intitulé qu'est-ce qu'on enseigne réellement par la Bible. Alors je pose la question. Le fait que j'ai dit par exemple au Cameroun que le général Semenge est en train d'aller en retraite, il est maintenant le président de la Ligue professionnelle de football. J'ai étudié général au singulier au pluriel. Alors maintenant, parce que dans ce livre là, à la page 218, ils disent que cela laisse à supposer qu'il n'y a qu'un seul ange de ce rang-là. Le fait qu'on utilise ça au singulier. Alors c'est dit, le général Semenge est allé en retraite. Ça suppose donc qu'au Cameroun, il n'y a qu'un seul général. C'est ça, frère? Ouais, que vraiment, il faut délivrer les gens, pas vrai? Donc on va toujours tordre comme ça, essayer de trouver des voies et moyens pour essayer de justifier. Oh, voilà la seule ligne. Oh, Jésus, dans la Bible, dit que j'ai envoyé mes anges. Vous me suivez, n'est-ce pas? J'ai envoyé mes anges dans l'église, dans ce livre de Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Que moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange dans l'église pour vous attester ces choses-là. N'est-ce pas, frère? Voilà. La Bible déclare dans ce livre de Hébreux chapitre 2 que ce n'est pas aux anges qui viennent en aide. C'est au fils à la postérité d'Abraham. Le Seigneur Jésus, il dit que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Abraham n'a pas engendré les anges, frère. Abraham a engendré les fils de la postérité, la promesse. Et il n'y a pas parmi la lignée un ange. Vous me suivez? Donc le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un ange. Au contraire, l'Écriture va plus loin pour déclarer qu'il est créateur. On va voir ces aspects-là. La Bible déclare dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 15, qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On a dit qu'on va développer également la terminologie premier-né. Ça, c'est l'une des révélations des Écritures là-bas, premier-né. Comment quelqu'un peut-il appeler premier-né alors qu'il est venu quand il y avait déjà les gens qui sont accouchés? Premier-né des morts, afin d'être partout, en tout, avant d'avoir la prééminence. Alors, la Bible déclare donc que le Seigneur Jésus-Christ, dans ce livre de Colossiens que j'en ai cité, chapitre 1, verset 15, qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Vous lisez la version des témoins de Jéhovah. Ils ont mis entre crochets, ajouté là-bas. Vous demandez, ils écrivent la justification du pourquoi ils ont ajouté le crochet. Ils disent que par son entremise ont été créées les autres choses sont mises entre guillemets. Vous dites, est-ce que ça se trouve dans le genre? Ils disent non. Ils disent, c'est pour qu'on comprenne bien le texte qu'on a introduit, les autres choses. Vous savez, maintenant, ça commence à construire la doctrine. C'est-à-dire que Dieu, le Père, a créé Jésus. Il est resté 30 ans maintenant, Jésus a créé les autres choses. C'est bien arrangé pour les doctrines. Alors, vous lui dites, enlevez les autres choses. Vous voyez ces Colossiens-là, vous allez lire. Je ne sais pas si j'ai la version de traduction du monde de voix. Pour le Colossiens, là, au chapitre 1, il y a quelqu'un qui va lire à haute voix. Vous y êtes. Frère Olivier, tu es là. La traduction du monde nouveau, comme tu n'es pas familier, ça ne te dérange pas, vrai? Colossiens chapitre 1. Frère, tu es dans Colossiens chapitre 1, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, suivez attentivement. Je vais vous montrer la subtilité des Écritures. Comment les gens peuvent utiliser les Écritures tort. Vous allez voir. Maintenant, lis dans la version Louis II. Allons-y. Colossiens chapitre 1. Lis le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Oui. Les visibles et les invisibles. Oui. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Stop. Pour lui. Tout a été créé par? Par lui et pour lui. Lui l'a mis pour qui? Donc le verset dit que tout ce que vous voyez là, c'est Jésus qui a créé. Et tout ce que vous ne voyez pas, que vous ne pouvez pas imaginer qu'il existe, c'est Jésus qui l'a créé. Mais en lisant le même verset dans la version tradition monde nouveau, allons-y. Parce que par son moyen, toutes les autres choses... Stop. Les autres choses sont écrites comment? Il y a un crochet. Oui, entre parenthèses. Entre parenthèses, les autres choses sont mises là-bas, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Allons-y. Toutes les autres choses ont été créées dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles et les invisibles. Mmh. Que ce soit trône ou seigneurie, mmh, ou gouvernement, oui, ou pouvoir, toutes les autres choses ont été créées par son intermédiaire. Voilà. Et pour lui. Voilà. Alors maintenant, la doctrine peut être placée. Vous allez voir la démoniaquité des princes ivaniens. Ça veut dire quoi? Il peut maintenant soutenir la doctrine en disant que cette maison-ci, qu'il a construite, vous allez voir effectivement quand on revient sur le plan humain, vous commencez à avoir des problèmes. Par exemple, si je suis l'auteur de cette maison, si c'est moi qui appartient cette maison, c'est pas moi qui ai pris mes mains pour construire. J'ai donné l'argent à quelqu'un, la personne a construit. C'est comme ça qu'ils comprennent la création. C'est-à-dire que Dieu a donné l'argent au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus a compris. C'est ça qu'il dit par son entremise. Parce que cette maison, si c'est la mienne, je l'ai construite par l'entremise d'un constructeur. Donc c'est comme ça qu'ils construisent. C'est comme ça qu'ils construisent les lignes. Maintenant, relis cette même phrase. Partout où il y aura les autres, ne lis pas. Tu lis, tu vas voir ce que ça donne. Parce que par son moyen, toutes les choses ont été créées dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit trône ou seigneurie ou gouvernement ou pouvoir, toutes les choses ont été créées. Il ne lit pas par lui et pour lui. Oui. Voilà. Vous voyez, maintenant ils ont introduit cela pour que ça donne leur doctrine. Pourtant, ça ne se trouve pas dans l'original. Dans l'original, c'est clair que c'est lui qui a créé toutes choses, trône, dignité, domination, choses qui sont visibles et invisibles. Alors, s'ils admettent que Jésus est un ange, donc il veut dire que l'ange a le pouvoir de la création. Donc l'ange, l'archange Michael, est un créateur. Ça sonne bien là. Vous voyez pourquoi deux gens que tu as dit tout à l'heure, comme posé comme question, nous donnent effectivement les armes à tenir contre telle chose, n'est-ce pas? Pourquoi ces choses? Parce qu'on veut régner la divinité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez. Maintenant, la Bible déclare dans le livre de Daniel, lorsque les anges vont, un ange va venir, après que Daniel va jeûner 21 jours, il va se présenter là-bas, il va dire que j'ai été retenu 21 jours. C'est Michel. Il dit que qui est l'un des principaux des anges, les principaux chefs. On dit Michel est l'un des principaux. Le Saint-Esprit ne peut pas faire autrement. Quand il y a n'importe quelle doctrine qui va sortir plus tard, le Saint-Esprit a mis des garde-fous. Ce verset-là dit que Michel, donc, l'ange là, il a transmis la nouvelle à Daniel. Il dit qu'il est resté bloqué 21 jours. Ce qu'il a expliqué, c'est que Michel est venu le délivrer, quoi, le soutenir pour qu'il vienne donner ce message. Et après, il va quitter la Java. Il dit qu'il va partir, le prince de Java va venir. Mais en disant Michel, il pouvait dire Michel. Le prophète Daniel connaît distinctement qui est Michael. Parce que Michael est le chef, le défenseur de la tribu d'Israël. Alors, l'ange en lui disant, il n'a pas dit Michel est venu me délivrer. Il a dit Michel. Et après il dit, qui est l'un des principaux chefs, les principaux princes. Il veut citer que Michel n'est pas le seul ange, n'est pas le seul archange. C'est l'un des principaux, un peu comme Simon est l'un des principaux généraux du Cameroun. Pourquoi le Saint-Esprit fait cela? Parce qu'il savait que les démoniacos, les ménages voyaïques, viendraient à cette époque-ci pour faire cela. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on veut construire pour rabaisser le Seigneur au rang des êtres humains. Donc la Bible déclare clairement ici qu'il est l'auteur de la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Et toute chose subsiste en lui. Il est le premier né des morts. Il est la tête du corps de l'Église. C'est ce que le verset 18 dit. Amen. Donc ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est la prééminence. En fait, dans le livre de Colossiens au chapitre 1, le verset 10, la Bible déclare que dans le plan du Seigneur, Dieu avait voulu tout réunir en Christ. Tout, soit dans ce qui est dans les cieux, soit ce qui est sur la terre. Donc le but, c'est Christ. Et la dernière fois dans ces Colossiens, nous avons lu dans Colossiens chapitre 2, nous avons lu verset 1, verset 3, nous avons vu effectivement que le mystère de Dieu, c'est savoir Christ. On dit donc mystère dans lequel est caché toute la sagesse de la connaissance, n'est-ce pas? Nous avons également lu la dernière fois, nous avons lu particulièrement le verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Corporellement, Dieu habite sur la terre. Nous sommes d'accord? Je vais faire un bref résumé pour que nous avancions ce soir encore. Et nous avons lu le livre de Jean, chapitre 1, le verset 18, où il a dit clairement que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils de Dieu qui demeure lui-même dans le sein de Dieu l'a fait connaître. On a lu ça, frère. Hein, mon frère, bien, frère bien-aimé. Vous n'aimez pas le Seigneur Jésus? Même si vous ne l'aimez pas, ça ne change rien. Il est quand même amour. Le chapitre 3, verset 13, nous avons également lu. Nous avons lu le chapitre 3, verset 13, alors qu'il était de causer avec Nicodème. Le chapitre 3, le verset 13 de livre de Jean. Le Seigneur Jésus a dit de façon fracassante, il a dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils de l'homme. Il a dit, personne n'est jamais monté au ciel, il n'est descendu du ciel. Il dit, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Nous avons vu que, alors qu'il en a parlé avec Nicodème, il dit que le Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est lui seul qui est descendu du ciel. Donc, alors qu'il est Fils de l'homme sur la terre, il est en même temps en haut. C'est merveilleux, pas vrai? Il n'a pas dit le Fils de l'homme qui était au ciel. Il n'a pas dit le Fils de l'homme qui sera au ciel. Il dit que personne, nul ne descend. C'est que nul ne descend. Il en a dit ça à Nicodème. Nul n'est descendu du ciel s'il n'est venu du ciel. Celui-là seul peut monter au ciel. Il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Dans les années parlé ici, on sait que le Fils de l'homme c'est lui. Il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc Jésus était en même temps sur la terre, en même temps au ciel. C'est ça, frère? Voilà. Maintenant, nous avons également lu le livre de Jean au chapitre 14. Et là, nous avons eu les interrogations thomasiques et philippiennes. Nous avons vu comment Thomas a posé la question. Nous ne savons pas le chemin. Comment nous devons nous connaître là où tu vas? Le Seigneur Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous avons dit que c'est compliqué. Comment quelqu'un peut être en même temps le chemin, la vérité, la vie? Comment quelqu'un peut être la porte, le berger, le chemin? Comment? Vous voyez, n'est-ce pas? Donc vous ouvrez la porte, c'est par lui que vous ouvrez. Vous couchez, vous marchez, c'est celui, en devant celui qui est en train de conduire. Il faut que quelqu'un soit comme ça, il faut qu'il soit omniscient. Amen. Pas vrai? Amen. Alors, l'un des versets encore qui prouve sa divinité, c'est le Matthieu chapitre 29, le 28, qu'on dit la grande commission. Quand vous lisez la grande commission, il dit que allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant dans le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et baptisez, et enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Le Seigneur Jésus qui est avec qui? Là où nous sommes là, il est là. Si les chrétiens se réunissent en Afghanistan, il est là. En tant que quelqu'un de l'invoquer en Chine, il est là. S'il est énorme, je sais que quelque chose ne va pas chez vous. Si elle est moins Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Parce qu'il n'y a personne qui peut être au même moment partout, sans être Dieu. 1 Corinthiens 15. Comment ça? Il a parlu à 500 disciples. 500 disciples à la fois. On dit que là, c'est le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 5 suivant. Il dit qu'après avoir, quand il est ressuscité le troisième jour, il apparaît à Cephas et à Jacques et à moi, il lui a apparu comme un avorton. Et il a aussi apparu à 500 frères à la fois. Donc certains encore sont vivants et d'autres sont morts. 500 frères à la fois. Donc 1, 2, 3, quoi, 500 dispersés. Ils apparaissaient ici là-bas, là-bas, là-bas, là-bas. Soit c'est un fantôme, mais même le fantôme ne peut pas pouvoir se multiplier. Quelqu'un dit Jésus est Dieu. Jésus. Même avec ou sans la Bible. Même si toi-même tu voudrais dire qu'il n'est pas Dieu, même si moi-même je voulais admettre qu'il n'est pas Dieu, il n'y a pas de possibilité qu'il ne soit pas Dieu. Voilà. Quand vous lisez le livre de Matthieu chapitre 13, les cinq paraboles qui y sont, le verset 24 à 36 disent quelque chose. Lorsqu'il donne la... Je suis en train de citer parce qu'on va arriver... Quand il cite, vous allez savoir de quoi il est question là-bas. Lorsqu'il donne la parabole de la semence, du livret des champs, quand il donne l'interprétation au verset 36 à 40, il dit que le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. C'est lui qui l'a semé, c'est Dieu. C'est ça? C'est les fils de l'homme. Vous devez avoir le problème avec moi. Dans ce verset, il dit que celui qui l'a semé, c'est Dieu. Il dit quoi? C'est le fils de l'homme. C'est le fils de l'homme. Et qui est le fils de l'homme? Jésus vient de dire qu'à la création, c'est lui qui était là qui a créé. Maintenant, vous lisez la Bible, Genèse chapitre 1. Vous voyez, Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa Elohim. Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Vous avez deux problèmes là maintenant. Soit vous admettez que la personne qu'on dit dans Genèse chapitre 1 qui a créé les cieux et la terre, c'est la même personne qu'on dit dans Colossiens. Parce qu'on a dit que les invisibles et les visibles, tout a été créé par lui. Lui qui? Dans Genèse chapitre 1, on voit que on dit Dieu créa les cieux et la terre. Vous avez deux opportunités. Soit vous admettez que c'est la même personne dont on a parlé. Vous admettez qu'il y a deux styles de création. Deux créations. Donc la terre, c'est comme ça. Il y a une jumeau de ça quelque part. Que Dieu lui l'a créé. Des visibles là-bas aussi. Les autres cieux là-bas aussi que Jésus a créé. Et notre aussi, Dieu aussi a créé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, on dit que cet enfant-là est né roi. Nous avons vu cela la dernière fois dans le livre des Philippiens, dans le livre de Matthieu, au chapitre 2. On dit qu'il est né roi. Quand les mages sont venus à Jérusalem, ils ont dit que où est le roi des Juifs qui est né. Les gens, tout Jérusalem était bouleversé. Et je vous ai expliqué un principe là que il y a des prophéties qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais dont l'une des parties est écrite dans la Bible sans être explicite. Et là, je vous ai expliqué effectivement que il n'était nulle part mentionné que le Seigneur qui devait descendre en Égypte. Il n'est pas, mais il est écrit dans la prophétie qu'il est censé sortir de l'Égypte. Et Osée chapitre 11, verset 1, nous avons lu, il dit que lorsque Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Et nous voyons effectivement en milieu, lorsque Hérode voulait tuer l'enfant Jésus, l'ange est venu dire à Joseph de prendre Marie avec l'enfant pour fuir en Égypte parce que la personne qui y demeure jusqu'à ce qu'il le fasse venir. D'accord? Lorsque Hérode est mort maintenant, l'ange est venu en vision à Joseph et dit, monte à Jérusalem. Parce que les gens qui cherchaient à intenter à la vie des enfants sont morts. On dit, le verset 15 du Matthieu chapitre 2 dit, afin que ça accomplisse ce que le prophète avait dit, et j'appelle mon fils hors de l'Égypte. Donc, Dieu, dans souvent, il y a des prophéties, il y a des choses. C'est pour ça qu'il veut dire qu'il y a des choses qu'on lit dans la Bible, dans votre Bible, là, vous débarrassez d'abord de la Bible. Un temps. Vous dites que la Bible s'est transformée. Ça ne s'est pas transformé. On arrive seulement doucement, vous allez manger. Il dit dans la Bible que vous avez en main, que c'est ta Bible où tu as écrit ton nom là-dessus. Il dit, si tu as écrit même sur ton nom que je suis le prophète du Cameroun. Tu pousses la Bible là, tu jettes ça loin. Que je ne comprends pas la Bible ici. Parce que c'est écrit dans l'intérieur. Et là, je vous ai montré dans la Bible comment c'était écrit de Jean-Baptiste. Quoi que nous ayons répondu à la question de Jean-Baptiste ici, je vous ai dit, c'est prévu dans la Bible que Jean-Baptiste devait être détruit sans que ça soit ouvertement écrit. On a vu ça, pas vrai? Alors maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit par exemple que quand il sortait dans ce livre de Matthieu chapitre 17, lorsqu'il sortait de la montagne de Transfiguration, quand il descendait, alors qu'il parcourait les champs, il avait touché un peu les verdures, les disciples étaient étonnés parce qu'ils ont vu Élie là-bas, ils ont vu Moïse, ils ont vu Yeshua. Ils ont dit waouh! Ils ont commencé à poser la question, mais comment les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? Parce qu'ils venaient de comprendre que celui qui est devant eux, c'était lui qui devait être annoncé. Il dit, Élie est déjà venu. Il est bienvenu que Élie viendra pour établir toutes choses. Il vient de prophétiser. Mais Élie est déjà venu. Et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Après, il dit ces choses, cette face fracassante, selon qu'il est écrit de lui. La Bible déclare, y compris qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, quand elle a dit ça, la Bible déclare que les disciples ont compris clairement que Jésus, notre Seigneur, parlait là, faisait référence à Jean-Baptiste. Quand le Seigneur dit dans ce livre de Matthieu, chapitre 17, que Élie est déjà venu et ils l'ont traité selon qui est écrit de lui, au chapitre 14, là, on décapite Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Alors, il dit selon qui est écrit de lui, allez dans la Torah, dans le Tanakh, lisez n'importe où, voyez là où c'est prévu qu'on va tuer Jean-Baptiste, vous ne verrez nulle part, pas vrai? Mais Jésus dit selon ce qui est écrit de lui. Où est-ce que donc c'est écrit qu'on a traité Jean, qu'on va traiter Jean-Baptiste pour le Seigneur Jésus-Christ? On voit clairement dans le livre des chapitre 53, on dit qu'on va mettre son tombeau parmi le juste, et celui-ci sera mis au nom de ma fêteur. On voit ça clairement, pas vrai? Montre-moi un verset qui parle que Jean-Baptiste devait être traité comme ça. Pourtant, ça se trouve dans la Bible, frère. D'accord? On a vu ça, pas vrai? On a développé cela. C'est pris. Isaïe en parle. Parce qu'on ne peut pas parler du Messie. Parler que voici la voix de celui qui crie dans le désert. Au chapitre 43, parler du chapitre 53 qui a cru à celui avec le bas de l'éternel. Le voici. Et au milieu, entre ça, il faut crier quelqu'un, que quelqu'un quitte. Et Jean-Baptiste avait dit qu'il faut qu'il croise et que moi je diminue. Donc il doit quitter la scène. Comment il doit quitter la scène? L'écriture doit devoir dire. Ok, donc c'est prévu de la description. Donc voilà en bref le résumé que nous avons vu. Et nous sommes arrêtés au niveau où on voyait la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. On a donc vu qu'on avait une ambiguïté. Vous ouvrez Matthieu chapitre 1, vous voyez généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. On a dit, le verset 1 du chapitre 1 de Matthieu nous interpelle et pose un problème. Nous sommes allés dans Luc d'Hébreux chapitre 7. Nous avons lu les trois premiers versets. On a parlé de Melchisédek en disant, donnant sa définition de son nom, qu'il est roi de justice, roi de Salem. Vous voyez cela, n'est-ce pas? On dit qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement de vie, ni fin de vie. Ça commence à poser problème. On dit, lequel est rendu semblable? J'ai dit, rendu semblable, ça veut dire que lequel était une image, une préfiguration du fils de Dieu. On n'a pas dit de fils de l'homme. On n'a pas dit de l'homme Jésus. On a dit fils de Dieu, fils de Dieu. Et là, nous avons lu le livre de Michée, chapitre 1. On dit, et toi, Bethlehem et Fratan, terre de Juda, tu n'es pas celle de la moindre de la terre d'Israël. De toi sortira un chef qui gouvernera, qui régnera, qui dominera sur Israël, dont les origines, qu'est-ce qu'on appelle origine? Ça veut dire le début, n'est-ce pas? Le début. Dont les origines remontent au jour de l'éternité. Alors, la durée des jours de l'éternité, c'est quoi, frère? L'éternité avait commencé quand déjà? Comment? Depuis des siècles. Quand les siècles n'étaient pas encore siècles, l'éternité était là. Donc, je pose la question que l'éternité commence quand? Donc, depuis que l'éternité, avant que l'éternité soit éternité, l'éternité était toujours là, non? On dit que ce sont ces jours. Alléluia. Amen. Donc, on dit que celui qui va naître là, fais attention, ne pas éteindre la lumière. Donc, tire-toi devant comme ça. Donc, avant que le Seigneur Jésus-Christ, le monde ne pense à être monde, il était. Pas vrai? Alors, maintenant, la question maintenant, c'est pourquoi on dit dans Matthieu chapitre 1, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pourtant, ici, on dit qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de début, pas de fin. C'est ce qu'on a dit dans ce livre d'Hébreu. Ici, on dit que généalogie. Donc, les deux sites doivent être mis ensemble pour montrer que dans l'être humain se trouve la généalogie physique dans le Seigneur Jésus-Christ. Et là, je vous ai dit une chose que vous m'avez regardé comme ça. J'ai dit Jésus, que Marie n'a pas accouché le Fils de Dieu. Il a accouché Jésus. Pas vrai, frère? Parce qu'on a dit que cet enfant-là sera le Fils du Très-Très-Haut. Tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, il a accouché Jésus. Et nous avons lu, cité le livre d'Hébreu, d'Ésaïe chapitre 7, verset 14, qui prophétisait sa venue. On dit, lorsque l'enfant naîtrait, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Je vous ai posé la question, avez-vous dit à les Écritures un seul endroit où on l'appelle Emmanuel? La prophétie a-t-elle menti? Non, la prophétie indiquait dans le langage prophétique que ce sera Dieu au milieu des hommes. Donc ce sera le corps venant d'un vierge où le Saint des Saints doit tabernacler. Je vais vous dire, dans l'ancienne alliance, il leur avait dit cela. C'est pour ça que j'ai dit que tout bon juif sait que le Messie qui vient est Dieu. Il leur avait dit, quand le Seigneur leur a sorti de l'Égypte, il leur a dit, lorsque vous serez entré dans le pays, je ne sais pas si vous lisez, vous comprenez, mais c'était la Bible, je sais que vous allez comprendre, parce que vous êtes assez grand maintenant, votre esprit est ouvert. Et lorsque vous serez entré dans le pays que je vais vous donner, que je vais donner premier à vos pères, vous donner, vous n'agirez pas comme vous agirez maintenant. Il dit, vous amènerez vos offrandes au lieu où j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Vous voyez ce qu'il avait dit, frère? Il parlait du Seigneur Jésus. Vous saviez ça? Le lieu où il a fait résider son nom. Il parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Son nom était en lui. Vous pouvez saisir ça. Hein? Il recommence encore. Il dit aux Juifs dans le désert. Il a promis cela dans les. C'est plein dans les Écritures. Il a dit que ne vous embrouillez pas, le moment va venir où moi-même je vais venir dans la chair. Dans Malachie chapitre 3. Il a dit, voici, j'envoie mon messager devant moi. Devant moi. Voici. C'est l'Éternel qui parle. Voici, j'envoie mon messager devant moi. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance. Donc le Seigneur, le Dieu que vous cherchez là, il va venir dans son temple. Il s'est tenu là-bas dans son temple. Il a dit, détruisez ce temple et en toi, vous le reverrez. Quand il a dit temple, ils ont compris quoi? Voilà. Il parlait, le temple était en plein là devant eux. Alors Philippe a dit, il leur a dit que oui, le Seigneur que vous cherchez, il va se mettre dans son temple. Il sera au milieu de vous. Dans Sophonie chapitre 3, verset 15 à 17, il a dit, il est au milieu de vous. On dit que dans son amour pour Israël, il va rester calme. Parce que s'il disait que je suis Dieu, Israël est épargné. Nous, nous sommes rejetés. On dit que parce qu'il est Israël, doit rester calme pour qu'on le gifle. Sauf au chapitre 3. Alors, on appelle son roi. Que le voici, il vient assis sur un anon. Dans Zacharie chapitre 9, verset 9. Alors, on dit, il va envoyer son messager. Lui, il va envoyer son messager. Vous lisez Matthieu, on dit que c'est lui qui envoie les prophètes. Il dit, voici, je vous envoie les prophètes. Vous tuerez les uns, vous lapiderez les autres, vous crucifierez les uns. C'est pas ce qui est écrit. Il dit combien de fois j'ai voulu vous rassembler. Comme la mère pour rassembler ses enfants, vous n'avez pas voulu. Voici votre maison, vous serez blessé des aides. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras rabaissé jusqu'au ciel du mort. Pas vrai? Voilà. Donc il envoie le prophète. Il a envoyé Jean-Baptiste devant lui pour préparer son chemin. Et là, l'écriture dit dans ce Malachie chapitre 3, verset 1 et 2. Il dit, et soudain entre, c'est ça que je veux que vous compreniez. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Les gens vont chercher qui? Le Seigneur Dieu. Il peut vous chercher. Il dit le Seigneur va entrer dans son temple. La Bible déclare, vous citez ça dans les psaumes, et que toute la terre fasse silence. C'est le Seigneur dans son saint temple. On ne parle pas de ces constructions-là qui peuvent détruire. D'accord, frère? Alors cette tenue-là dit, détruisez ce temple. Je reviens en trois jours. Tous sont tournés comme ça, les hommes étant à Jérusalem. Ils ont vu la construction. Ils se sont rencontrés avec Jésus comme ça. Ils ont dit que quelque chose ne va pas chez toi, toi, la vraie vraie. On disait que tu avais un démon. Moi-même, je crois aujourd'hui, tu es vrai un démon. Ça fait 46 ans qu'on a pris pour Baptiste là. Toi, tu es trois rosés en trois jours. Le Saint-Esprit du verset 22 de ce livre de Jean, chapitre 2, qui parlait du temple de son corps. Dieu dans son saint temple. Donc, il a prophétisé plusieurs fois dans la Bible. Ça dit, au fur courant des événements, nous allons rentrer dans les Écritures, dans les prophéties, pour voir clairement ce qu'il en est. Et alors, c'est pour ça que j'avais dit, tout bon juif qui lit les Écritures, qui connaissent la Tanakh, le Tanakh et la Torah, savent que le Messie est Dieu. Parce que c'est prévu que le Messie, ce soit Dieu venu dans la chair. D'accord? Et nous avons vu que si Dieu est tout puissant, il peut devenir le pot de fleurs en contrôlant tout le monde entier. Ça ne veut pas dire que s'il est dans le pot de fleurs, un peu comme on dit, les gens ont leur totem, ils mettent dans le pot de fleurs, ou si on casse le pot de fleurs, sa vie est finie. Non. Quand il était en regardant Marie comme ça, il regardait Marie, celui qui a créé Marie. Les substances qui est dans le sein qui suce là, c'est lui. Ça, c'est bizarre, pas vrai? On peut entendre, on casse les CD, on tape la radio, on tape au sol. Quand on va taper la radio va se saccager. Jésus est quand même Dieu. Amen. Amen. Oui, il va se présenter là. Il dit que car depuis quand tu nous malasses le cerveau depuis, dis-nous, si tu es le Christ, dis-le nous. Et je vous le dis depuis. Qui es-tu? Il dit que avant qu'Abraham fût issu, vous avez vu non? Quand il a dit seulement avant qu'Abraham fût issu, ils ont pris le caillou. Abraham, Jean-Baptiste dit de lui, il aura dit, es-tu le Christ? Il a dit non, je n'ai qu'à envoyer que devant lui. Donc après moi, quelqu'un va se mettre sur place. Quand il se présente, il a dit, le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et puis Jean-Baptiste a donné le témoignage de lui que lui, vous savez, lui, Dieu, celui qui sort d'en haut, est plus grand que tous. Parce que Dieu ne lui donne pas esprit avec mesure. Donc tout le Saint-Esprit est en lui. Hein, frère? Après cette tournée là-bas, Jean-Baptiste a dit, il m'a précédé. Il m'a précédé, ça veut dire quoi, frère? Il était avant. Quelqu'un qui naît là sur la terre, quand on a regardé, on dit que c'est pas lui qui courait là-bas, qui portait la planche de son père, ça c'est un jeu là glissé là. Oui, mais il était quand même avant. Le Créateur dans la créature. Le Créateur dans la créature. Quand Ézéchiel l'a vu, dans Ézéchiel chapitre 5, il a dit que cette lumière là, ça le dérangeait. Il a dit que la lumière, le feu dans lequel c'est tombé. Un homme qui habite dans le feu, frère, comment un homme vit dans le feu? Il dit que je suis sorti du sein du Père. Amen. C'est le Seigneur Yeshua. On peut commencer maintenant cette fois. Ok. Donc je vais mettre un socle avant qu'on avance maintenant. Je vais finir avec la généalogie, l'origine du Seigneur. On va voir son humanité maintenant. Je vais finir avec son humanité. Donc, premier socle, ce soir. On doit admettre, et vous devez voir, que l'Écriture enseigne que Jésus qui était physiquement, qui marchait en Galilée, après sa résurrection, n'était plus le même. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dans son humanité, il était limité. Après la résurrection, il est resté sous la forme esprit. C'est pas ça, frère? Alors maintenant, si vous lisez Apocalypse chapitre 1, vous allez voir, lorsqu'il s'est présenté à l'île des Palmos, il va donner les instructions à Jean. Il va dire que ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie. Il cite les églises. Quand il finit maintenant, il dit que, écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui a le père, celui qui a les yeux qui est comme ça, celui qui a les cheveux comme ça. À la fin, il dit quoi? Que celui qui a les oreilles entend? À haute voix. Que celui qui a les oreilles entend, c'est que? Qui parlait à Jean d'écrire? À la fin, il dit que c'était qui? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Il a vu le Seigneur. Il a dit quand il est vu, il avait entre ses mains cette chandelle d'or. Et même le problème que bon, on ne peut pas ce que les gens bloquent l'esprit à vouloir toujours contredire. Il dit l'alpha l'oméga. Nous savons que c'est Dieu qui est l'alpha l'oméga. C'est simple. Si maintenant lui dit que l'alpha l'oméga le véritable, le commencement et la fin. Ça arrête le problème. Ça arrête, c'est fini, on ne pense plus à rien. donc en clair, Jésus est Dieu. Puis même si on fait le motamotage là. Oui. Et que l'esprit humain qui se veut se contredire lui-même pour refuser ce que Dieu a mis en lui. Oui. Que bon, c'est moi. Quand tu te regardes, tu vois que je suis là. Oui. Là, fait le méga. Il sait que c'est Dieu seul. Oui. Comment Jésus peut dire là, fait le méga? Ça veut dire que les choses sont fausses. Voilà. On doit déchirer la vie. Voilà. Donc, soit vous pensez que Dieu s'est trompé en disant qu'en hors de lui, il n'y a personne. Qu'il ne donne pas sa gloire à une autre personne. Il ne donnera jamais sa gloire à une autre personne. Il ne partage pas sa gloire avec personne. Mm-hmm. Vous admettez que Dieu était un imposteur. Il a même déjoué Dieu. On avance. On peut avancer. On va avancer. Alors regardez bien, je dis encore ceci. Dans son humanité, son état est différent de dans sa résurrection ou bien l'après-résurrection. Prenez la Bible maintenant. Je vais commencer à vous donner les passages maintenant. Et je vais citer. Tout à l'heure, je vais citer le livre de l'Apocalypse, chapitre 1 et chapitre 2, jusqu'au chapitre 3, donc, où chaque fois pour les sept églises, il dit écrit à l'ange de l'église ici. Voici ce que j'ai contre toi, ce que toi. Nous savons que c'est Jésus qui en a parlé. Pas vrai? À la fin, il sanctionne. Que si quelqu'un a les oreilles, qu'il entend ce que l'Esprit dit aux églises. Or, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, il dit, je vais seulement citer, si vous vous notez. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16, il dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ce qu'il écrit, il dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit, Dieu, Seigneur, là est la liberté. Nous sommes d'accord, frère? Il recommence encore. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, il dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit, c'est l'Esprit. Pas que le Seigneur a l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous voyez? Maintenant, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 4 à 8, je vais vous marquer le verset 4, il dit qu'il y a un seul Dieu, un seul, et une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur. Combien de Seigneurs y a-t-il, frère? Un seul Seigneur. On dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et la Bible dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur. La Bible appelle le Seigneur des Seigneurs. Et dans Deutéronome chapitre 10, le verset 17, la Bible déclare, parlant de Dieu l'Éternel, la Bible déclare qu'il est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. On se trouve encore dans l'ambiguïté finalement qui est le seigneur des seigneurs. Il ne peut pas avoir deux seigneurs des seigneurs. Dans l'ancien, dans les écrits de la Torah, comme je viens de citer dans le verset du Deutéronome chapitre 10, le verset 17, la Bible déclare que c'est le Seigneur lui-même qui parle, le Dieu Tout-Puissant qui parle. Il dit, je suis le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur Jésus dans Apocalypse chapitre 17, chapitre 19, verset 16, dit qu'il est le Seigneur des seigneurs. Les deux choses, nous, il parle plus. Soit il y a deux univers où l'un là-bas est Seigneur des seigneurs, et cet autre univers, c'est où Dieu est le Seigneur des seigneurs, où vous admettez que c'est la même personne. C'est la même personne. Vous suivez ça, frère? Voilà. Donc, Jésus est différent. Jésus qui le plan sur le plan physique est différent de Jésus sur le plan des résurrections. Lisons d'abord cela dans la Bible, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. Que Dieu vous bénisse vraiment. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 16 dit que si quelqu'un est en Christ, le verset 17 dit que si quelqu'un est en Christ, mes frères, parlez, vous avez faim. C'est le jeûne encore. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Souvenez-vous, on va revenir. C'est quoi être en Christ? Il faut qu'on enseigne vraiment ça. C'est quoi quand on dit que quelqu'un est en Christ? C'est quoi? Non, non, mon master en Christ, master en Christ, tu parles. Ok, mais ce n'est pas le sujet. Verset 15 et 16, allons-y. 1, 2, 3. Mais c'est quand même terrible. Verset 3, lisons. Verset 15 et 16, allons-y. 1, 2, 3. Et qu'il est mort ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui... Frère, lisez ensemble. Allons-y, 1, 2, 3. Et qui est mort pour tous, afin que celui qui vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et se ressuscité pour eux. Verset 16, dedans. Oui. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Oui. Et si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus exactement. Amen. C'est réglé dans les Écritures. Donc même si vous avez dit que c'est faux, c'est quand même vrai. Il dit que dès maintenant, si nous connaissions Christ selon la chair, donc dans sa humanité, maintenant ce n'est plus comme ça. Maintenant il habite une lumière inaccessible que l'œil n'a vu, il ne peut voir. Quand l'apôtre Paul l'a vu en route, il est tombé dans l'aveuglement. Il est rentré dans le sein du Père, comme il disait. Il est rentré dans cette lumière-là qui a créé le ciel et la terre. Hein, mon frère? Donc là, l'apôtre Paul nous dit... Que ne pensez pas que quand vous avez marché avec Christ ici sur la terre, vous le voyez, vous marchez comme ça, que c'était, il était faible, plante, que sortant comme d'une terre dérégitée. C'est pas cela qu'on giflait comme ça là. Vous voyez, si vous lisez le livre des Jean au chapitre 13, à partir du verset 20 en descendant, la Bible déclare, lorsqu'il va expliquer le fait que l'un de ces disciples vont le livrer, l'apôtre Pierre va faire comme ça que la Bible déclare que le disciple sur lequel qui se couchait jamais sur son sein, dont l'apôtre Jean. La Bible déclare que l'apôtre Pierre fit signe à ce disciple. Donc les disciples s'entendaient entre eux. Quand il est comme ça, il ne sait pas que Jésus voit. Donc il fait signe. Donc quand l'apôtre Pierre fait signe, il comprend qu'il veut dire que demande-lui. Amen. Amen. Le gars fait comme cela. Il a dit, Seigneur, dis-nous, qui c'est? Il veut que vous compreniez quelque chose. Je suis en train d'expliquer l'humanité de Jésus. Jésus étant assis là, l'apôtre Pierre, Paul et Jean étaient maîtres sur lui, s'est couché sur son corps. La Bible déclare, cet apôtre-là a demandé à Jésus. Que dis-nous qui c'est. Il a dit clairement que celui à qui il donnerait le morceau trempé. Il a trempé, il lui a donné. On dit, Satan, dès que le morceau lui fut donné, Satan entra dans Judas. Il a identifié qu'il devait le tuer. Après, il a dit, non, parlant à Satan qui est à l'intérieur, ce que tu veux faire, fais-le promptement. On dit maintenant, ceux qui ont posé les questions initialement, pour savoir qui est censé livrer, ont donné l'interprétation de ce qui a été déjà dit clairement. Ils ont posé la question, qui doit livrer? Il dit, celui à qui vous donnez le morceau trempé. Il donne. Après, il dit, ok, fais donc ce que tu as à faire. Il sort. Ceux qui avaient donc posé la question, ils disent que non, on pense qu'il a dit qu'il peut chercher l'autre nourriture, acheter des vivres. Ou bien donner l'argent, comme celui qui garde l'argent, il est le banquier là qui donne l'argent aux pauvres. Qu'est-ce que ça a à voir dans les circonstances, n'est-ce pas, frère? Parce qu'il fallait que l'écriture s'accomplisse. Maintenant, je vais vous voir que cette personne a couché sur le sang de Jésus. Vous avez vu? Celui qui est couché. Il demande que n'importe quoi à Jésus en touchant la joue de Jésus. Jésus donne. Frère, sur l'île de Patmos, quand il s'est tourné dans cette vision, il l'a vu, première chose, il est tombé mort. Il n'a pas dit, mon disciple que j'aime le plus, jamais. Quand il l'a vu, il ne parle pas, c'est sa présence qui te tue. L'apôtre Pierre dit, Paul aussi dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, 5, verset 16, il dit, ainsi donc, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est pour ça que si quelqu'un est en Christ, on ne voit plus la vie du péché d'avant. On ne voit plus le fait qu'il avait été sorcier. Si tu mets le doigt là-bas, ça veut dire qu'il ne comprend pas la nouvelle créature. On ne doit plus condamner quelqu'un pour son passé alors qu'il est en Christ. les choses anciennes sont passées, c'est terminé. Donc Dieu a nivelé cela. Si tu dois là-bas, c'est toi qui as le problème avec Dieu. Vous voyez? Alors maintenant, il amène cela au Seigneur Jésus-Christ, sa personne. Il dit, si nous connaissions le Seigneur Jésus-Christ dans la chair, il veut dire comme ça pour ceux qui l'ont rencontré physiquement quand il marchait avec eux. Il dit, dès maintenant, pas vrai? Nous ne le connaissons plus ainsi. C'est pour ça qu'il avait dit qu'il nous faisait avantager qu'il s'en va. Parce que s'il est limité, il va respecter les lois humaines. Mais si l'esprit sont... Enfin, Éphésiens chapitre 4 nous dit clairement qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre afin de remplir tout en tous. Un ange peut faire ça, frère. Un prophète peut faire cela. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc Jésus-Christ homme est l'agneau de Dieu pour intercéder. Jésus-Christ fils de Dieu, c'est le Dieu ressuscité des morts. On avance là. On peut avancer là, c'est 60 maintenant. Dans la dernière fois, nous avons vu dans le livre de Luc au chapitre 2, verset 25, que le Saint-Esprit avait promis à Simeon, que Simeon était venu dans le temple, poussé par le Saint-Esprit. Il vit l'enfant Jésus qui était présenté au temple. Il a ouvert la bouche, il a donné les déclarations. Si je viens dans l'Esprit, ça va nous freiner aujourd'hui. Je vais seulement citer, vous devez vérifier. Il a pris l'enfant Yeshua, il a donné les prophéties à son sujet. Il dit, waouh Seigneur, tu laisses ton serviteur aller en paix parce que tu m'as fait, mon nez a vu le salut. Il dit, salut que tu prépares devant les peuples, devant Israël, ton peuple. Puis il dit maintenant, il dit que cet enfant-ci est destiné, c'est la prophétie qu'il donne. Cet enfant-ci est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Donc le Seigneur Jésus-Christ est un signe même de la chute et du relèvement. Il dit que c'est une chute qui amènera la contradiction. Donc c'est normal qu'il y ait des contradictions à son sujet. Et vous lisez la Bible dans le livre de Matthieu, dans Jean chapitre 5, chapitre 5, chapitre 6 particulièrement, puis le chapitre 5, alors que tous les juifs de la diaspora sont venus à Jérusalem à la fête de la fête des tabernacles. Après il dit, si quelqu'un a soif qui vient à moi, qui boive, les juifs, souvenez-vous, ses disciples, ses propres frères avaient dit, monte donc, voilà le temple. Alors il dit, vous montez à cette fête, quand moi je n'y vois point. Votre heure est venue, mon heure n'est pas encore, c'est pas encore mon heure. Après, au milieu de la fête, il est monté lui-même à la fête. Il s'est promené à la portique. Il a commencé à prêcher. La Bible déclare que la foule a commencé à dire, mais voici le gens, le type qui disait qu'il devait tuer, non. Pourquoi ne le tuer? Est-ce qu'entre-temps, les chefs des pharisiens l'ont aussi reconnu? La Bible déclare, à partir de lui, non, il y a eu des remous dans la foule et personne ne parlait de lui-même. N'osa pas parler de lui-même. Mais chacun avait des opinions. Alors maintenant, on commence à dire, celui-ci dit d'une chose, l'autre dit autre chose. L'Écriture ne dit-il pas que c'est de la tribu? Est-ce que l'Écriture dit que c'est à la en Galilée que va venir? L'autre a même dit à Nicodème que toi-même examine. Toi-même tu vois qu'en Galilée, un prophète sort de Galilée. Toi-même tu vois que dans la tribu, tu as entendu un jour qu'un prophète est sorti de là. L'Écriture ne dit pas que c'est de Bethléem, de la ville de David, où était David, que doit sortir le Christ. Frère, il pose la question, est-il né là-bas? Est-ce que le Seigneur est né à Bethléem? Non. Quand il faut jeûner 3 jours. Il pose la question, l'Écriture dit-elle que Jésus notre Seigneur est né à Bethléem? Oui. Donc il est né effectivement à Bethléem, mais ils n'ont pas voulu sonder. 30 ans plus tôt, les mages ne sont-ils pas venus là-bas? Où est le roi des Juifs qui est né? Hérode n'a-t-il pas enquis auprès d'eux? Les scribes ont dit qu'il est écrit que c'est à Bethléem. L'État n'a pas conduit jusqu'à Bethléem. Donc il est effectivement né là-bas comme l'Écriture le disait. Mais comme il est venu demeurer en Galilée afin qu'on l'appelle, il s'appelait de Nazareth. On a dit qu'il s'appelle, selon qu'il est écrit, il sera appelé Nazaréen. N'est-ce pas, frère? Ils ont dit qu'il est né là-bas. Pourquoi? Parce que son père aussi là-bas. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a dit que vous me connaissez. Vous me connaissez vraiment. Alors, Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Dieu avec ou sans la Bible. Jean chapitre 7. Verset 40 et suivant. Les gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Souvenez-vous de là on est passé, de Luc chapitre 2. Le prophète Siméon a prophétisé qu'il est censé amener la chute et le relèvement. Donc certaines personnes vont trébucher là-dessus, certaines personnes vont chuter, certaines personnes vont se relever, certaines personnes vont dire du bien, et ainsi de suite. La Bible déclare, d'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas, je crois qu'il vient citer ça ici, de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir. Donc ils savent ce que l'Écriture dit, mais nous voilà en plein devant eux, noir et blanc. Bethléem, la maison du pain de Dieu. Bethléem, la maison qui produit le pain de Dieu. Donc le nom du village montre clairement que c'est là-bas qu'il doit venir. Bethléem. Bethléem, la maison du pain de Dieu. La maison qui produit le pain. Il s'est tenu là-bas. Il dit voici le pain qui est descendu du ciel. Il devait comprendre qu'il est né à Bethléem. Pas vrai, frère? Bethléem. Il y eut donc à cause de lui division parmi les foules. Donc, subitement, il se présente là comme ça. Quand il parle, les sectes se créent. Moi, je suis d'accord qu'il est Dieu. Je suis d'accord qu'il est Christ. Non, c'est un démoniaque. L'autre, il égale la multitude. Suivant attentivement. Verset 45. Ainsi, les huissiers retournaient vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, ils sont allés là-bas, l'évangile les a traumatisés. Alléluia. Amen. Donc, voici les militaires qu'on envoie aller attraper le prédicateur. Jésus, il ne fait pas de blagues. Suivez seulement tout ce qu'il dit là-bas. L'un des prédications, pour que vous voyez. Regardez. Le verset 23 et 24, regardez. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritiez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Le militaire entend comme ça, il dit que merde, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Y a-t-il quelque chose de compliqué qu'il a dit là? Donc, quand il a parlé, il a bombardé le cœur. Ils sont rentrés, ils disent qu'on peut arrêter ces personnes-ci. Amen. On a dit, mais vous n'avez pas arrêté, il est où? On dit que non, comment m'arrêter ces hommes? Personne n'a jamais parlé comme lui. On dit, mais vous devez faire quoi? Il dit ici, le verset suivant dit, avez-vous aussi été séduit? Regardez bien. Les pharisiens leur répliquaient, est-ce que vous aussi avez été planaux? Vous avez été séduit? Puis il dit, y a-t-il quelqu'un des chefs, des pharisiens qui est cru en lui? Donc ils sont fâchés dans l'assemblée. Il a dit, mais quelqu'un s'est coupé. C'est sûr que quelqu'un a cru parmi eux. Il y avait quelqu'un parmi eux qui avait cru. Nicodème avait été transmis depuis le chapitre 3. Quand il a vu ça, il a senti que non, c'est fort. Si vous voulez croire, croyez ce que vous croyez. Mais moi, je crois, mais je suis moi dans le silence. Ça veut dire les gens qui ne veulent pas se montrer. Parce qu'il sait que si on fait ça, on va détruire toutes ces richesses qu'il a. Mais nous autres, on croit, si on veut, on enlève n'importe quoi. Il y a une chose qu'on ne peut pas enlever, la vie éternelle. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont les maudits. Vous avez vu? Ouais, voici, je vais revenir un des sujets dans cette prédication. Plus vous êtes avancé intellectuellement, plus vous avez du mal à discerner le Seigneur. Plus vous comprenez, vous pensez que vous maîtrisez les arts de l'écriture, plus vous éloignez de lui. C'est la foule, les pharisiens qui maîtrisent la loi. Ils ont dit tout à l'heure que c'est à Bethléem qui doit venir. Pas vrai? Ils avaient raison, la loi disait ça. Mais la foule reconnaît celui qui venait de Bethléem. Et qui connaît qu'il est censé venir de Bethléem, ils ne le reconnaissent pas. Qu'est-ce qu'il veut dire en réalité? Le Seigneur Jésus-Christ doit se révéler. S'il ne se révèle pas, tu vas toujours avoir le voile. S'il ne se révèle pas, tu vas voir le voile. Malgré les explications qu'on va dire, tu vas voir le voile de sa personne. Il faut que lui se révèle. Ok, maintenant regardez. La Bible dit ici, Nicodème, regardez bien. Nicodème, qui était venu de nuit vers Yeshua, vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Il lui répondit, es-tu aussi galiléen? Examine, tu verras que de la Galilée, il ne sort point des prophètes. Ils avaient raison sur le plan juridique, mais jusqu'à ce qu'il n'était pas sorti de la Galilée. Son origine était de Bethléem. D'accord? Maintenant, regardez, examinez quelque chose. Le Seigneur Jésus étant présent sur la terre, ne faisait pas cas. Il était là pour accomplir une mission. Et la mission avait été clairement écrite, de la même façon comme c'est écrit clairement, qu'il revient encore pour chercher l'Église. Malgré cela, dans l'Église, les gens continuent à faire ce qu'il a dit, c'est à l'intérieur qu'il ne doit pas faire. On dit clairement qu'il ne se trouve pas au milieu de saints, ni de murmures, ni de calomnies, ni de l'impurité. C'est écrit. Chose qui est contraire à la bonne science. C'est écrit clairement qu'on ne doit pas se nommer ça de famille. C'est pas vrai? Les saints prennent les Écritures. Lisent cela et attendent la venue du Seigneur Jésus. Il va venir, prendre les gens, partir. Ceux qui seront prêts, ils seront toujours là. Puisque maintenant, il est venu, s'est présenté, on l'a crucifié, il est ressuscité, il est parti, il revient encore. Les juifs sont toujours là, ils attendent le Messie. Donc quand on va partir dans l'enlèvement, il y a des gens sur la terre qui ont conduit à prêcher l'enlèvement. Dis à ton voisin qu'il n'y a pas deux enlèvements. Il n'y a pas la rediffusion. Voilà. Quand vous entendez pas, enfin, de toute façon, le son a du retard. Clin d'œil n'a pas de retard. Il en a un clin d'œil, c'est terminé. Quand c'est terminé, c'est terminé. Tout ce que tu vas bavarder maintenant, c'est que maintenant, comment faire pour ne pas prendre la marque de la bête? Ok, maintenant. On peut avancer quelque part. Chapitre 5 des Jean. Chapitre 5 des Jean. Après, je crois qu'on va quitter dans Jean parce que s'il y a un livre qui reconnaît la divinité du Seigneur Jésus-Christ, c'est le livre des Jean. Donc, il va lire le chapitre 5 si on va sortir de là pour aller quelque part, donc commencer à se balader dans la Bible. D'accord, frère? Jean, chapitre 5, il est à partir du verset 17. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui l'a ressuscité, qui avait plus de force, qui a guéri, qui l'a guéri dans la piscine, auprès de la piscine. Donc, verset 17, prenez le verset 17, regardez, suivez attentivement dans votre Bible. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. C'est terrible seulement. C'est terrible. Il dit, son Père agit. Lui aussi, il agit. Vous demandez, son Père agit où? Donc, son Père guérit, lui est guéri. Où est-ce que les gens que son Père est en train de guérir? Il dit, son Père agit, lui aussi, il agit. Vous voyez que lui-même, il crée le problème aux gens, pas vrai? Vous voulez le défendre là maintenant, pas vrai? Il dit, il crée le problème aux gens. Ah, mais il a créé le problème, ça c'est son disciple lui-même. On a vu ça la dernière fois, il a dit que Seigneur, tu embrouilles les gens. Montre le Père, ça nous suffit. Il a remonté qui était le Père, non? Il a dit que depuis que le Père est avec vous, nous l'a pas vu. C'est ce qu'il a dit. Il dit, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Amen. Regardez, il dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc, si son Père fait pas, lui aussi fait pas. Mais le problème, c'est que son Père fait pas là où? On avance. Écoutez très attentivement. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il n'observait pas le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son se faisant donc égal à Dieu. La dernière fois, nous avons vu que le fait qu'on appelle fils, ce n'est pas comme un être humain aurait un enfant. Parce qu'on dit que il est sans père, sans mère, sans généalogie. On a dit de lui qu'il n'a pas de père. Et Isaïe chapitre 9, verset 5 et 6 dit qu'un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Comment un enfant est Père éternel? Un enfant est Père éternel, comment? Alors, demain, les jours, on trouver des tactiques ici. C'est vrai que cet enfant-là est Dieu, mais on n'a pas écrit là-bas que Dieu est tout puissant. Pourquoi on n'a pas écrit tout puissant? La Bible déclare. On parle de Jacob là-bas, de Dieu là-bas comme le puissant de Jacob. Il y a aussi un endroit où on a écrit Dieu dans la Bible sans mettre tout puissant. Alléluia. Donc, on dit que l'enfant là est Père éternel. Comment un enfant est Père éternel? On dit que l'enfant qui va même venir, c'est Père éternel. Y a-t-il deux Pères éternels? Le Père éternel, c'est qui? Le Père éternel, c'est qui, frère? C'est Dieu. Comment on doit comprendre? Donc, voici donc les Juifs. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ que les Juifs connaissent. Les Juifs, eux, ils connaissent qui est le Messie. Ils savent, c'est pour ça qu'ils voulaient le plus le faire mourir. Parce que, un, il y a deux, voici les deux choses qui ont valu sa condamnation. Un, ils ne respectent pas le. Deux, est-ce qu'il y a un endroit où il a ouvert sa bouche pour dire il est Dieu? Donc, cette déclaration prouve ce qu'il lui il voulait dire. Et les Juifs comprenaient ça. Et lui comprenait qu'il comprenait. Pas vrai? C'est pour ça que vous voyez, les musulmans disent que. Montre-moi un verset biblique où Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi. Et je deviens chrétien. On ne devient pas chrétien comme ça. Même si on ouvre la Bible, ça se montre là-bas, tu ne verras pas. Parce que c'est voilé. Donc même si je te montre noir et blanc où Jésus a dit qu'il est Dieu, tu ne verras pas. Parce que il est impossible que tu expliques la clarté de la lune à un aveugle. Que waouh, la beauté de quand ça se lève le matin. Mais c'est beau, regarde la peinture de Leonardo DiCaprio. Waouh, la Leonardo da Vinci. Mais il a dessiné la Madone. Tu dis, waouh, c'est la couleur verte. Tu perds ton temps, il ne comprendra pas. Les musulmans sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Voilà les Juifs qui sont là devant le Seigneur. Le Seigneur a dit quelque chose, ils ont compris. Et le Père, remarquez bien, Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Il n'a jamais déclaré que je suis l'égal du Père. Il a dit ça. Mais la déclaration fait que les gens comprennent, parce qu'ils comprennent ce que la Torah a dit de la personne qui est censée faire cette déclaration. Il a dit que le Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'ai agi. Le gars, si. Et dans Jean chapitre 10, encore, il va dire la même chose. Le Père et moi, nous sommes un. Voilà, vrai. Tant que tu as arrêté ta santé, cherche-moi le caillou. Où est le caillou? Le caillou est où? Où est le caillou? Alors, ils ont pris le caillou pour la vider. Il dit, je vous ai fait voir plusieurs œuvres venant de mon Père. Regardez bien comment il fait encore. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. On dit, sur ce, les Juifs ont pris le caillou pour la vider. Il dit, je vous ai fait voir plusieurs œuvres venant de mon Père. Venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? J'ai guéri les malades, j'ai fait cette chose. Il dit, non, c'est pour les bons œuvres, on est d'accord avec toi, tu es un bon type. Mais vous voulez te lapider pour un blasphème. Vous savez que les blasphèmes disent, Ils disent parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Donc chaque fois quand quelqu'un dit je suis le fils de Dieu, il vient de dire qu'il est Dieu. Donc si quelqu'un dit, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu, vous vous aveuglez seulement. Parce qu'il a dit plusieurs fois dans les Écritures. Quand il dit je suis le chemin, il vient de dire qu'il est Dieu. Quand il dit je suis la lumière du monde, quand vous lisez les écrits musulmans, les 49, les 99 noms, je crois que je vais faire une progression là-dessus, tous les 99 noms de Allah se trouvent en Jésus confessé. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il dit non, Allah c'est le plus bon nom, Allah c'est le nom, c'est pour Dieu, Dieu c'est pas un nom. Mais il dit que c'est le plus beau nom de Dieu, c'est le nom solennel, le nom le plus grand, le plus glorieux. Et les noms sont équivalents, donc aucun nom n'est supérieur à aucun nom. Donc Allah, par exemple, si on dit Al-Nun, Al-Nun, ça veut dire que la lumière. Il n'y a qu'une seule personne qui a dit à la Bible qu'il est là. Jésus vient de dire qu'il est Allah alors. Qu'est-ce que vous en dites? Et il n'y a pas d'inégalité entre Al-Nun et Allah. Donc la personne qui est Allah, c'est la personne qui est Al-Nun. Jésus vient de dire que je suis Al-Nun. Jésus a dit plusieurs fois qu'il est là. Il est là. Il est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Donc, vous prenez les 99 noms de Allah. Vous voyez, enfin, c'est un voleur. C'est un voleur de titres du Seigneur Jésus. Donc vous voyez effectivement que si un musulman dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est dans le Coran que tu peux le montrer que Jésus est Dieu, vraiment bien. C'est le principe du nom de Allah. Il dit que c'est lui qui a le plus beau nom. Donc personne n'a ce nom-là. Par définition, personne n'a ce nom. Alors nous, c'est le nom de Jésus. Il dit, je suis la lumière. La porte, le guide, ce sont les noms de Allah. Quand vous regardez en juif. Le roi des rois, ça se trouve là-bas. L'alpha et l'oméga, ça se trouve là-bas. Le commencement, le tout-puissant, l'omniscient, l'omniprésent. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Partout où il est. Et là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis présent. Il faut qu'il soit Dieu pour être présent. Mohamed peut-il être présent comme ça? Que non. Donc Jésus-Christ est entre guillemets Allah. Amen. Amen. Alors, donc Jésus est Dieu avec ou sans la Bible. Nous sommes d'accord. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu avec ou sans la Bible. Donc, il dit ici que dans ce livre de chapitre 5, verset 17, il dit, le Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. On dit, si ils ont pris le cahier pour ils voulaient le plus le faire mourir. Non seulement parce qu'il ne savait pas le savoir, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. On dit que lorsque tu appelles Dieu son ton propre Père, tu te fais égal à Dieu. C'est la définition biblique. Et Jean chapitre 10, c'est la même chose qu'il va dire. Le Père va nous sommes un. Voilà. Ce il prit le cahier pour le lapider. Il dit, je vous ai fait voir plusieurs œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapider, vous dites non. Non pas pour une bonne œuvre, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Jésus ne dit pas non, non, non, non. Je n'ai pas dit je suis Dieu. Il dit que si l'écriture ne peut être anéantie. C'est ce qu'il a dit. Si l'écriture peut être annoncée, donc nous ne pouvons pas changer ce que les écrits ont dit. N'est-il pas écrit dans la loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. S'il a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et que l'écriture peut être annoncée, il dit, et celui que le Père, et comme regardez, que le Père a envoyé dans le monde, vous le dites, il blasphème. Et ce, parce que j'ai dit, je suis le fils de Dieu. Parce qu'il avait dit qu'il est fils de Dieu. Parce que c'est ce qu'il a dit en haut. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Il dit, c'est le blasphème parce que tu dis que tu es Dieu. Il dit non, j'ai pas dit que je suis Dieu. L'écriture ne peut pas changer. J'ai dit que je suis fils de Dieu. Vous voulez. Donc, fils de Dieu égale Dieu. C'est simple, pas vrai? Donc, fils de Dieu, c'est sa divinité. Fils de l'homme, c'est le ministère prophétique. Fils de David, c'est le ministère du roi. C'est bien là, on peut avancer maintenant. On peut avancer, frère bien-aimé. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Allons-y dans le livre, la version témoin de Jéhovah. Et regardez ce qui est écrit. Suivez attentivement. Donc dans un enseignement, j'ai parlé que témoin de Jéhovah ont deux dieux. Écoutez très attentivement. Si un témoin de Jéhovah vous dit qu'il c'est un seul Dieu, c'est le mensonge. Nous allons voir maintenant que c'est un. Ils sont deux dieux. Un grand Dieu et un petit Dieu. Donc Jésus est un Dieu là-bas. Allons-y, verset 1 du chapitre 1 de Jean. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous voyez, vous voyez, vous voyez, vous garçon là. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Vous avez compris, cherche le problème. Jean chapitre. Tu as vu comment il cherche le problème, non? Non, c'est peut-être que tu te trompes parce que c'est la version qui trompe. Non, ne t'inquiète pas, c'est la version elle-même qui trompe, c'est la version de l'erreur. Et c'est normal que tu fasses erreur dans la version de l'erreur. Donc Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1. Dans la traduction du monde nouveau. Dans la traduction du monde nouveau, des témoins de Jéhovah. Oui, c'est ça. Au commencement, la parole était. Était. La parole était. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. et la parole était un Dieu. Alors, avec petit d. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a combien dans ce verset, il y a combien de dieux? Deux dieux. Un grand Dieu, un Dieu avec un grand D, et un Dieu avec un petit D. Donc vous montez, vous descendez, vous ne pouvez plus changer. Comme c'est écrit là, il y a deux dieux là-bas. Je vais poser une question. Oui. Mais, si ils disent, bon, il faut, avant pour les déranger. Oui. Bon, là maintenant ils ont cherché d'abord le nom, la témoin, je vois. Oui. Qui vient de très loin. Je veux même pas avoir le nom de Dieu. Voilà. Un nom. Vous avez même suivi ça là, j'ai aussi regardé, vu que vraiment ça ne pourrait pas coïncider avec ce qu'ils disent. Oui. Maintenant, quand ils disent témoin de Jéhovah, oh, on voit que c'est juste qu'ils disent, vous serez mes témoins. Oui. Partout et tout. S'ils disent alors que témoin de Jéhovah, on fait le parallélisme. Je dis à Dieu, c'est qu'ils sont témoins de Jésus. Oui. Oui, donc pas... Jésus, alors Dieu, parce qu'il dit que c'est Jéhovah qui est Dieu. Oui. Et il dit que vous serez mes témoins. Jésus, c'est lui qui dit. Le problème, c'est qu'ils disent que même Jésus qui est Jésus, c'est témoin de Jéhovah. Ok, Jésus. Le témoin de Jéhovah. Jéhovah. Oui, il dit que ça commence avec Abel. En lisant le livre des Hébreux, chapitre 11, que nous avons un si grand nombre de témoins. Donc, il veut dire que Abel avec Joseph et Oda sont des témoins. Donc, non, pas constant. Les témoins de Jéhovah. Oui, tu vas chez les Mohamedans, ils disent que même le Mohamed et autres là-bas, ils étaient des musulmans. Abraham c'est le premier soumis. Parce que l'islam veut dire la vraie soumission à la volonté d'Allah. Donc chacun peut prendre ici la position de son côté. Donc laissons-les tranquilles. Ils ne devraient pas avancer dans la divinité du Seigneur. Donc ici, il est fait état du fait que le Verbe était un Dieu. Or, Dieu lui dit dans le livre, dans ce même livre, chapitre 43 d'Ésaïe, que hors de moi, il n'y a pas de Dieu. Il n'en est pas formé de Dieu. Pas vrai? Et bien, ici, la Bible déclare, ici, ce livre des témoins de Dieu va dire qu'auprès de Dieu était un Dieu. Et Esaïe dit qu'auprès de lui, il n'a jamais eu de Dieu, il n'en aura pas. Il n'y a pas à côté de lui un Dieu. Les témoins de Jéhovah disent qu'il y a un Dieu à côté de lui, un petit Dieu. Frère, mon frère, c'est la version de l'erreur. D'accord? Voilà. Donc, traduction du monde nouveauté, MN veut dire que tout le monde c'est noir. D'accord, frère? Donc, c'est tout le monde c'est noir. Alors, on avance ici avec notre Bible. On peut y avancer. C'est chapitre 2. Titre chapitre 2. Pendant que vous allez chercher Titre chapitre 2, je vais dire quelque chose. J'ai dit quelque chose tout à l'heure en prenant l'exemple sur l'apôtre Paul, où il a cité dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, où il a dit que si on connaissait quelqu'un selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Il dit de la même façon, si on connaissait Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette façon-là, n'est-ce pas? Et je vous ai pris le cas de l'apôtre Jean qui était couché sous la poitrine du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Et nous voyons effectivement dans le livre d'Apocalypse, où le Seigneur est ressuscité et dans la puissance de sa divinité, nous voyons effectivement que Jean, il ne reconnaît plus Jean comme son allié, où il était sur la terre, où il aimait beaucoup le plus, n'est-ce pas frère? Maintenant, ce livre d'Apocalypse montre clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre son humanité et sa divinité. Si vous devez le remarquer. Le livre de l'Apocalypse, normalement le titre Apocalypse n'est pas approprié, ce livre c'est Révélation, n'est-ce pas? Le verset 1 de ce livre de Révélation, souvenez-vous, dans la première partie, j'ai dit qu'il y a des questions principales, et l'une des deux questions principales que nous allons résoudre, la question de Matthieu chapitre 3, que lorsque Jésus était baptisé, quelle voix parlait en haut? Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, chapitre 15, que lorsque il est écrit que tout lui est soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toujours est exalté. Lorsqu'il aura soumis tous les ennemis jusqu'à ce qu'il soit sous son marche-pied, lui-même soumettait, remettait le royaume à celui qui est Dieu et Père. N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit. On va sortir là, il faut qu'on revienne à ces grandes questions assez simples dans les Écritures. Et l'une des questions qu'on peut y ajouter, c'est à la croix, quand il écrit Elish, Elé, là-bas, Shabbat, Tani. Qui est-ce qui criait? D'accord, frère? Mais en comprenant ces choses, la divinité dans l'humanité, ça règle le problème. D'accord? Ok, vous avez ouvert Titre chapitre 2. Donc, l'Éternel dit donc que, lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 1, ouais, on dit révélation. Donc, Apocalypse, c'est pas bon, c'est pas approprié, c'est révélation. On dit révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à son âme pour montrer à ses serviteurs ce qui doit venir. Révélation. On dit que c'est Dieu qui a donné à Jésus-Christ pour montrer à ses anges. On dit que c'est la révélation de Jésus-Christ. Je veux que vous saisissez. Ouvrez, mettez le doigt dans le titre, là où vous me lisez le verset 1 pour que vous compreniez ce que je dis. Parce qu'il dit, vous me regardez comme si comme vous êtes bien frais. Donc, si quelqu'un a un apocalypse, lisez-moi le verset 1. Le chapitre 1. Allons-y, à haute voix. Au bout, lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Voilà, ça va là. Et qu'il a fait par l'envoi de son ange à son prophète Jean. Bon, regardez, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui vont arriver. C'est quand même terrible comme introduction. C'est quand même terrible. J'aimerais passer, je peux passer 4 heures de temps là maintenant sur cette introduction. Regardez, attendez, je vais encore lire pour vous saisir. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le livre révèle qui? Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. Quand on donne ces révélations, on révèle la personne de Jésus-Christ pour montrer à ses serviteurs quoi? Des choses qui vont arriver bientôt. Mais en révélant qui est Jésus-Christ, on va comprendre les choses qui vont arriver bientôt. Bon, si on révèle Jésus-Christ, si les serviteurs, pour que les serviteurs comprennent les choses qui vont arriver bientôt, pour qu'ils comprennent la révélation de qui est Jésus-Christ. Ce livre-ci, dans ce livre-ci est contenu, véritablement, on peut lire cela en comprenant vraiment qui est Jésus-Christ. Donc en lisant ce livre-ci, les serviteurs, pour pouvoir comprendre véritablement les choses qui vont arriver bientôt, il faut qu'ils comprennent que c'est Jésus-Christ qu'on a de vouloir révéler. Donc le but que Dieu écrit ce livre-ci, c'est pour vraiment montrer qui est Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'en ouvrant ce livre-ci, je dois comprendre que on n'avait pas vraiment saisi qui était Jésus-Christ quand on était sur la terre. Donc il était voilé. Il faut qu'on enlève le voile pour qu'on sache qui il est vraiment dans ce livre-ci. Et si on comprend, ça va comprendre la suite des temps, les événements futuristes. Donc ça veut dire que, comme Colossiens chapitre 2, verset 1 à 3 dit que c'est le mystère, connaître, savoir Christ, Dieu c'est mystère. Christ c'est mystère de Dieu. Donc si on enlève le mystère de Dieu, on va voir qui est Christ. Vous comprenez ça, frère? Vous saisissez? Donc ça veut dire que arrêtez, vous lisez l'évangile, vous allez comprendre Jésus-Christ. Vous lisez l'évangile et Apocalypse, vous allez savoir Jésus-Christ Dieu. Vous allez voir qui il est véritablement. Hein, frère? Celui qu'on tape sur la terre, on ne répond pas. Il se présente là-bas, c'est le soleil qui disparaît. Ça vous fait quoi vraiment là? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Je vais revenir sur le thème que Dieu lui a donné. Je cite comme ça les Écritures pour vous entendre la voix du Seigneur. Les révélations de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Alors maintenant, l'humain dit que voici Dieu. Jésus-Christ prend la révélation-ci. Montre à tes serviteurs qui tu es. Pour qu'ils comprennent la suite. C'est ça que vous saisissez, frère. Que Dieu nous aide vraiment. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Il l'a fait par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est ça, frère? J'étais sur l'île appelée Patmos. Et j'ai entendu devant moi, je fus ravi au jour du Seigneur, et j'ai entendu devant moi une voix qui sonnait comme une voix de trompette. Je me suis tourné pour regarder la voix et j'ai vu quelqu'un qui était debout. C'était qui là? C'était qui était debout là déjà? Il avait ses yeux étaient comme le flamme de feu. Ses pieds étaient ardents comme sa tête était comme la laine. Dans sa main se trouvait ça. C'était qui là, frère? Mais je crois que le verset 1 dit que c'est il a fait par l'envoi de son ange à son serviteur. Genre, qui est-ce qu'on a envoyé? Relisez encore, révélation dit que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur. Donc, la personne au verset 14, 15, 16, 17 et 18 qu'on a dit décrit, c'est un ange. C'était qui? Ah, ça c'est compliqué. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu, vous voulez un livre que qu'on casse. Le voilà. Révélation de Jésus. Je vous ai dit que se trouvait seulement du temps. C'est parce que vous. Ce seul verset montre même trois personnes. Non, ne t'inquiète pas. Si vous trouvez du temps, ça dépend de vous. Vous venez, on prend un jour, des jours et des jours. On passe le temps d'Apocalypse seulement. Verset 1, on avance. Verset 2, on finit jusqu'au chapitre 1. Vous allez voir combien d'années on va passer au chapitre 1. Verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui vont bientôt arriver. Il l'a fait par son ange. Donc, pour que ça arrive à Jean, pour que Jean écrive cela, c'est par l'ange, par son ange. Chapitre 22, verset 16 dit quoi, frère? Chapitre 22, verset 16. Qu'est-ce que ça dit là déjà? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Ça, c'est compliqué ça. Révélation de Jésus, que c'est des dieux qui avaient donné. Dieu l'a fait par l'envoi de son ange. Il conclut à la fin, on dit que c'était moi, Jésus, qui envoyait mon ange pour vous attester ces choses. C'est compliqué, pas vrai? Révélation de Jésus, qu'est-ce que Dieu lui a donné? il a fait par l'envoi de son ange. C'est ça, frère? Qui a envoyé l'ange finalement dans les églises pour attester ces choses-là déjà? Mais Dieu a fait par l'envoi de son qui? Finalement, qui a envoyé même l'ange là-même? Dis à ton voisin, Jésus est Dieu. Même si tu ne comprends pas l'Apocalypse. Donc, le pan des vols doit être ouvert pour entrer dans ce livre-là. Ça veut dire que même si les évangiles et les écrits des apôtres ne sont pas clairs en lisant la révélation du chapitre 1 au chapitre 22, du premier verset jusqu'au dernier verset du chapitre 22, vous devez, au sorti de là, vous devez savoir qui est le Seigneur. D'accord? Je dis, ça dépend de vous. Si vous voulez qu'on fasse l'étude là-dessus, on va le faire l'étude. On va aller lire l'Apocalypse en voyant, en mettant les événements de ce qui est. Beaucoup, l'une des choses de l'Apocalypse, c'est qu'il faut savoir ça, ce qui est là-bas, qui est déjà passé. Ce qui est en train de vivre et ce qui est en train d'arriver. Il faut mettre toutes ces choses au clair. C'est entre vos mains. Vous trouvez le temps, je suis avec vous. Révélation de Jésus-Christ. C'est l'un des livres les plus intéressants que j'ai dans les Écritures. Quand ils lisent là, mon cœur bouillonne. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Donc Dieu a donné la révélation de Jésus-Christ. Donc, je vais montrer ta personne, qui tu es. Donc c'est Dieu qui a devra montrer qui Jésus-Christ est. Ok, maintenant, restons dans ce plan-là. Si on veut révéler Jésus-Christ, ça suppose que jusque-là, il était voilé. Mais c'est ça. Si on doit encore révéler, si en lisant, s'il y a un livre particulièrement qui doit révéler qui est Jésus, donc ça veut dire qu'en lisant de Matthieu, jusqu'à lui de Jude, jusque-là, on ne saisit pas qui est vraiment Jésus. Jusqu'à ce qu'on entre, on commence à le voir qui il est. Vous commencez à voir maintenant, il ne parle plus en bégayant. Il parle comme l'auteur de la création. Il parle comme étant l'Amen. Comme étant le véritable. Le témoin fidèle qui est dans le ciel. Comme ce psaume l'a dit, que le témoin fidèle est véritable qui est dans le ciel est fidèle. Vous voyez, comme l'Amen. Il se présente comme le Tout-Puissant. Il se présente dans sa divinité. Il se lève, il lève la main droite, il jure par celui qui vit au siècle des siècles. Il dit qu'il était, il est et il vient. C'est terrible, pas vrai, frère? Chapitre 2 de Tite, versets 11 à 13. Jésus est Dieu sans ou avec la Bible. Si quelqu'un veut maintenant, il peut mettre sa tête sur le métro. Ou bien il porte la bombe, il va se lui dire que Jésus n'est pas Dieu. C'est quand même Dieu. Il me fait quand même pas. Il va passer dans l'au-delà, il va savoir que le Seigneur Dieu est tout puissant. C'est Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Vous avez posé la question qui va juger les cieux, toutes les créatures. Vous avez posé la question qui va juger. Le jour du jugement qui arrive. Vous avez posé la question qui est censé juger. Vous avez posé la question, frère. Vous arrivez à quelle conclusion? À partir de quel niveau on dit que c'est Jésus qui va juger? Celui qui rejette parole ne rejette pas. Mmh. Mais c'est la parole qui rejette qui sera son juge. Comme lui, on sait que c'est la parole divine. Oui. C'est lui qui doit te juger. C'est lui qui va juger. Dans le livre de Jean, chapitre 5, nous avons lu, si vous continuez votre livre, votre lecture, verset 24 suivant. Il a dit clairement. Oui, à la fin, les questions à la fin. Il a dit, le Père ne juge lui-même personne. Mais il a remis tout jugement. Comment vous comprenez cela? Comme un peu comme si Dieu a dit que non, mon fils, tu sais quoi? Il te donne le droit de juger les êtres humains. Vous pensez que c'est ça, frère? Non. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment à les gens? Jésus, notre Seigneur, qui dit, vous voyez comment lui trouve les gens? Il dit, le Père ne juge lui-même personne. Vous lisez les Écritures de Genèse, chapitre 1, jusqu'à tous les prophètes finissent. On dit que l'Éternel va juger la terre. C'est pas ce qui est écrit. Amen. Il a dit que non, c'est pas lui qui va juger encore. Il a démis ça au fils. Et peut-il dire que je change dans les Écritures? Non. C'est quand même terrible. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il vit. Il vient d'ici dans l'écriture que tout ce que le Père est à moi. Donc il est héritier. Son Père est mort. On hérite de quoi, frère? De qui? Je veux que vous me répondiez. Quand on hérite là, c'est de qui? Un fils petit hérité alors que son Père est là. Pourquoi on ne pose pas des questions simples comme ça? On dit qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc pour qu'il y ait un héritier, on écrit un testament. Le testament certifie que si je ne suis pas là, c'est telle personne qui prend le rôle. Pas vrai? Pose la question, le Dieu Tout-Puissant est-il mort? Il vit au siècle des siècles. Personne ne peut hériter de son royaume. Donc il est pour toujours. Si donc le Seigneur est héritier, qu'il est là, ça veut dire que Dieu va rester quelque part là comme ça là. Pendant que le Fils-en-Dieu les fait son bien. Quelqu'un dit à l'Éternel, la terre, tout ce qu'elle renferme. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est lui. Donc, souvenez-vous de ceci. Il dit donc, dans ce livre, vous pouvez parler dans le psaume, remarquez, c'est lui qui va venir, qui va juger la terre, n'est-ce pas? Remarquez dans le psaume 18, et comparez cela avec Jude, verset 9, et suivant, verset 9 à 14, où il a dit que le Seigneur vient, il vient pour juger. C'était, c'est pour eux que énorme septième, depuis Adam a aussi prophétisé que le Seigneur vient avec ses saints là pour exercer le jugement de ce qui est écrit. On dit le Seigneur, et non parler de qui? Du Seigneur. Et ce Seigneur-là, c'est le Dieu Tout-Puissant d'Israël. Vous lisez cela dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 8. La Bible déclare que le Seigneur va venir dans la puissance pour punir ceux qui n'obéissent pas à Dieu, qui ne croient pas à son évangile. Pas vrai, frère? Donc, la personne qui vient dans la lumière pour punir, là, pour exercer, dont Enoch parlait, dont Jude parle, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui que David parle dans le psaume 18. Vous entendez cela? Voilà, maintenant, la Bible déclare dans le livre des Actes, chapitre 17, le verset 24 jusqu'au verset 30. Verset 30, tranquillement dit, parlant de l'apôtre Paul, alors qu'il a décidé ça devant les Grecs, il a fixé un jour où il jugera les hommes par. Donc, c'est Dieu qui va juger par Yeshua. Donc il dit, il a fixé un jour, il dit Dieu sans tenir compte de temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes, Dieu sans tenir compte de temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes, en tout lieu qu'il s'est assez repenti, parce qu'il a fixé un jour où il l'a mis pour Dieu, où il jugera les hommes, par l'homme dont il a resté la mort. Donc c'est par l'homme que Dieu va juger les hommes. Et cet homme-là c'est Jésus, donc ça veut dire que, comme Dieu était en Christ, confiant le monde avec lui-même, Dieu sera en Christ jugeant le peuple. Vous allez dans Apocalypse chapitre 20, où les trônes sont assis et que la terre disparaît, vous voyez la personne qui est assise sur le trône, c'est Dieu. On dit que le ciel s'enfuit devant lui, il est plein de plus pour lui. Après, sur le trône, il va dire que je crée toutes choses. Ces paroles sont véritables paroles de Dieu. C'est ce qu'il écrit, frère. Jésus se trouve où donc au jugement. Après, le royaume est haut. Vous voyez. Et dans Apocalypse chapitre 11, verset 15 et 17, il dit que lorsque le septième ange sonna de la trompette, il a entendu les cieux qui disaient. Maintenant, le royaume du monde a été remis à Dieu, à son Christ. Le royaume du monde. Je voulais faire dire une chose. Oui. Bon, il y a un passage là, c'est l'Esaïe, je ne sais pas. Là où dit, quand il va faire toutes choses nouvelles. Esaïe 66. Oui, maintenant, j'ai habité le royaume du monde, le Seigneur Dieu sera mon Dieu. Oui. Là maintenant, c'est comme c'est Jésus maintenant qui est. Ils n'ont plus besoin d'eau, l'eau, la lumière, tout. Oui. Ils n'ont plus besoin de la lumière du soleil. Oui. C'est lui qui est au milieu de celui qui m'a cheminé. Tu seras, chaque vaisseau que tu vas prendre, tu seras étonné. Moi, je suis étonné comme non, tu es étonné. Comment est-ce que les gens ne peuvent pas voir si facilement que c'est toujours ça, c'est toujours lui qui continue son œuvre. Le Seigneur, juste qu'il a dit dans le livre de Matthieu, il a dit que plusieurs prophètes ont désiré voir ce que vous voyez. Ils n'ont pas vu. En tant que vous entendez, ils n'ont pas entendu. Les disciples ont posé la question au Seigneur, s'il te plaît. Dis-le clairement. Pourquoi tu ne parles toujours en parabole? Il dit à vous. Il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais à ceux du dehors, tout est en parabole afin qu'en regardant, ils ne voient pas. En écoutant, ils ne comprennent pas. Donc c'est une grâce que de comprendre ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que tu n'as pas fait l'effort pour faire cela. S'il dit bien, quand j'ai cru, la première chose que j'ai compris en lisant les Écritures, j'ai vu, j'ai regardé Jésus qui est Dieu. Simple. Moi, en fait, je ne savais pas que sur la terre, il y a un autre langage que Jésus qui n'est pas Dieu. Juste qu'il y a quelque part, quand j'entends Dieu, le Père, Dieu, le Fils, le Saint-Esprit, il dit, mais celui-ci encore, il sort d'où? C'était étonné, j'ai commencé à comprendre que sur la terre j'aurais des problèmes. Alors il commence à comprendre les factions que non. Celui-ci dit que Jésus n'est pas Dieu, l'autre aussi dit que Jésus est Dieu, celui-ci dit hein, je suis vraiment venu dans le monde là, mais bienvenue. Donc j'étais étonné comme toi, mais comment ils ne comprennent pas? Parce que du verset 1 jusqu'au verset dernier de la Bible, Jésus est Dieu. Partout là vous allez le voir. Partout vous allez voir qu'il est Dieu. Titre chapitre 2, verset 11 et suivant. Jusqu'au verset 13, allons-y. Oui. Elle nous enseigne à renoncer à l'immobilité et au conformisme mondain. Oui. Et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse, la justice et la piété. Oui. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Oh, amen. La manifestation de qui déjà? C'est l'Église qui est écrit. La manifestation de qui? Il s'appelle comment? C'est écrit là-bas que qui est grand Dieu et sauveur. Mais c'est, le langage ne peut plus clair. Donc s'il y a un endroit où il n'y a pas d'ambiguïté, là-bas là, il y a un endroit. On n'a pas dit les manifestations du grand Dieu et du sauveur. Non, on dit que la manifestation du grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. La personne qui est sauveur est grand Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ là-bas dedans. Vous avez vu ça? Dis, en attendant la manifestation de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ, il faut que vous viviez sans tache ni ride. L'un de la convoitise monde, c'est ce qu'il a dit. Mais si on dit que Jésus est le grand Dieu et sauveur, vous avez vu cela? Vous avez vu ça, frère? Amen. On va revenir sur les attributs du sauveur là maintenant. Donc, touchons un autre endroit, d'accord, avant d'avancer. Donc, gardez le livre des titres, parce qu'on va revenir. Dès qu'on lit là, on revient dans le livre des titres. Chapitre 5 de 1 Jean. Chapitre 5 de 1 Jean. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Mm-hmm. Souvenez-vous, le but pour lequel nous sommes de voir, nous sommes en train de voir ça, pas seulement la connaissance. Parce que souvenez-vous, dans l'introduction, nous avons vu la première partie, nous avons vu que on a desservi Jésus. Jésus, des gens disent Jésus dehors. Nous avons lu 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 3 et 4, où il a dit que vous pouvez recevoir un autre évangile, un autre Jésus, et par conséquent, un autre esprit. Le faut qu'on distingue quel Jésus on a desservi. Maintenant, sur la toile, sur le net, on a dit maintenant Jésus qui était noir, le peuple vert, le peuple juif sont les noirs, les bantous et voilà. On peut dire n'importe quoi en prenant, souvenez-vous, les églises doivent sortir de la Bible. On peut dire que Adam veut dire terre, et la terre, on ne peut pas s'en changer, la terre est rouge, on peut se quitter de noir à blanc, même pas de blanc à noir, et ainsi de suite, avec des théories qui vont marcher. Mais la réalité est tout autre de l'écriture. Des gens disent, les anges sont blancs, sont noirs, les gens étaient, Dieu lui-même est noir, Jésus était noir, et autres, Marie était noir, les patriarches étaient noirs et autres là. Mais le Dieu que je sais n'est pas noir. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir, le sang qui a collé à la croix n'était pas noir. Le sang qui a collé à la croix n'était pas bleu. Le sang qui a coulé à quoi n'était pas blanc. C'était un sang rouge. Amen. Amen. C'est ce sang-là qui a parlé en notre faveur. Mm-hmm. Qu'il ait eu couleur noire ou couleur rouge, les yeux bleus, verts, noirs ou quoi que ce soit, c'est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Mm-hmm. Maintenant, avançons ici. 1 Jean chapitre 5, regardez le verset 19. Vous y êtes? Et 20. Verset 19 et 20. Puis nous finissons rentrant dans le livre des titres. Verset 19 et 20. On y va. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné une puissance pour connaître la vérité. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Comment vous utilisez l'endroit où le Saint-Esprit révèle, vous calmez? Vous avez peur de dire que le Dieu est véritable? Allons-y, c'est lui qui est. Ça aurait un problème, pas vrai? Qui est le Dieu véritable? Qui est la vie éternelle? Maintenant, si vous prenez la version, la traduction du monde nouveau, on va mettre, mais c'est Houston, ce qu'on va écrire là-bas. On dit que c'est là le Dieu véritable. Donc, le Dieu véritable maintenant est là. C'est là le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est terrible, pas vrai? Ok, maintenant, on peut avancer. Donc, nous allons voir maintenant l'attribut du sauveur. Son attribut, Dieu dans son attribut du sauveur. Vous êtes prêts avec moi maintenant? Donc, rentrons dans le livre des titres. Quand vous allez ouvrir le livre des titres, je vais vous demander de mettre le doigt et vous allez quelque part. La fondation de l'écriture comme ça, vous devrez amener l'écriture en harmonie. Si vous n'aimez pas l'écriture en harmonie, vous allez avoir les bosses partout. Vous devez laisser l'écriture aller en harmonie. C'est un peu comme cette chose-ci. L'un va avec l'autre, l'un va avec l'autre, parce que ça soit en harmonie. Si ce n'est pas ça, c'est le désordre. Les écritures ne s'entrechoquent pas pour donner des doctrines différentes, non. Comprises comme Dieu le veut, ça donne l'harmonie et ça montre le Dieu harmonique. D'accord? Vous avez ouvert Tite chapitre 2. Maintenant, allons dans le livre des prophètes Isaïe. Christ dans son attribut de sauveur, ou bien Dieu dans son attribut de sauveur, c'est la deuxième partie de cette série consacrée à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Isaïe. Chapitre, le livre du prophète Isaïe. Vous y êtes tout le monde? Chapitre 43 d'Isaïe. Quand vous êtes le chapitre 43, je vous dis. C'est amusant là maintenant. Puisque nous nous retrouvons dans le chapitre 43 d'Isaïe, je ne savais même pas que c'est là où nous allions. Regardez le verset 10. Le verset 10 où les témoins de Jéhovah disent qu'ils ont pris le nom de Jéhovah, d'accord? Regardez le verset 10, qu'est-ce que ça dit? Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Voilà, dans la version c'est écrit, vous êtes mes témoins, dit Jéhovah. Donc nous tous à qui il s'adresse, nous sommes des témoins de Jéhovah. Donc c'est ça, là, ils ont pris le nom. Maintenant, c'est le verset 11 qui est amusant, c'est là où je voulais vous amener. Allons-y, 1, 2, 3, verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Stop. Nous sommes d'accord que les Écritures disent que hors de Dieu, il n'y a point de sauveur. Nous sommes d'accord. Tite chapitre 2, allons-y. Prenons le chapitre 1, on va aller commencer le chapitre 1, je vais vous donner des versets là-bas. D'accord. Je vous ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas besoin d'ouvrir. Vous avez, je vous avais demandé de rester dans le titre. Allons-y, regardez bien. Je vais la partie verset 1. Chaque fois, je vais m'arrêter au niveau du verset, d'accord. Chaque verset où vous allez voir sauveur, notons et identifions la personne. Premier, je vais votre attention. La façon dont je vous montre la constitution des Écritures, il faut que vous lisez, vous allez dans la Bible comme ça. Quand vous allez dans la Bible, vous lisez quelque chose que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas la Bible qui a le problème, c'est vous qui avez le problème, ou bien votre compréhension n'est pas arrivée en amont avec la Bible. D'accord. Donc, nous sommes allés au milieu de la prophétie. Ce qui en est de parler d'Isaïe 43, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il nous a dit? En dehors de lui, il n'y a point de sauveur. Donc, si on trouve quelqu'un qui dit qu'il est le sauveur, c'est un menteur. Nous sommes d'accord, frère? Amen. Voilà, disons. Donc, chaque fois qu'on va lui trouver un verset dans l'une des titres là maintenant, où il y a sauveur, on va s'arrêter, on va identifier qui c'est. Pas vrai? Mm-hmm. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu. Et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Nous sommes d'accord que Dieu ne ment pas. Amen. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre du Dieu. Non, lisez ce qui écrit. Dieu. L'apôtre Paul vient de citer ici, Ésaïe chapitre 43, verset. Mais c'est quand même terrible. Si vous êtes fatigué, j'arrête. Non. Je suis en train d'aller avec vous comme avec les enfants de l'ABC. L'apôtre vient de l'appeler Dieu qui? Notre sauveur. Souligner Dieu notre sauveur. Souvenez-vous, c'est quelqu'un qui a avancé dans le judaïsme, qui connaît la loi. Il connaît les Écritures, parce qu'il cite beaucoup Isaïe même. D'accord? Donc il dit que c'était prévu, ce n'est pas la manifestation de la prédication qui lui a été confiée. Il dit que c'est la prédication lui a été confiée par Dieu notre sauveur. Vous pouvez vous montrer un seul endroit dans la Bible où Dieu a confié la prédication à l'apôtre Paul. Dieu sauveur là. Qui a appelé l'apôtre Paul? C'est Jésus. Qu'est-ce que le prophète Ananias, le disciple Ananias, lui a dit de lui? Quand le Seigneur avait, il lui a dit que les choses pour lesquelles ce qui t'a montré, c'est pourquoi il t'apparaîtra. Qui a confié la prédication à l'apôtre Paul? C'est Jésus. Dans le chapitre 13, qui dit, mettez-moi à part sur les Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés? C'est Jésus. Qui dit là-bas qui les a appelés? Esprit. Chapitre 9, qui a appelé l'apôtre Paul? Le Seigneur Jésus. Finalement, qui dérange? Vous voyez que il dérange les gens, pas vrai? N'est-ce pas? Qui dit que Dieu dérange? Vous ne voulez pas parler, vous avez peur? Amen. Donc, l'apôtre Paul vient de dire ici que la prédication lui a été confiée par Dieu notre Sauveur. Voilà. Maintenant, avançons maintenant. À titre, il dit maintenant que la lettre a dit ici. À titre, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Notre Sauveur. Qui est le Sauveur finalement? Soulignez Jésus-Christ notre Sauveur. Donc, entre deux versets, lui étant juif, sachant qu'il n'y a qu'un seul Sauveur, vient appeler deux personnes Sauveurs. Vous devez admettre que l'apôtre Paul soit fou, sans ne parler de la même personne. Vous avez souligné Dieu Sauveur au verset 3, Dieu Sauveur au verset 4. Continuons seulement, suivons-le. Qui nous embrouille, Dieu, comme ça, on va le suivre. D'accord, frère? Mm-hmm. Donc, dans le livre des Tite chapitre 2, on a l'air de Tite chapitre 2, n'est-ce pas? On est dans Tite chapitre 1. Non, on a fini là-bas. Chapitre 2, verset 13, nous avons lu tout à l'heure, en attendant la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il y a là-bas Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, n'est-ce pas? Allons-y, chapitre 3. On avance. Regardez le chapitre 4, regardez bien. Bon, prenons la partie verset 3 hein, pour commencer. Regardez. Car nous aussi, nous sommes dans le chapitre 3, verset 4 de regardez. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre et son amour pour tous les hommes, pour les hommes, ont été manifestés. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ. Oui, parce que les gens, ils nous dérangent, pas vrai? Souligné. Donc, une fois de plus, dans le verset 6, il vient de dire que Dieu est sauveur. Jésus-Christ est sauveur. Je pose la question. Qui est le sauveur? Jésus-Christ. Mais moi, il dit maintenant que non, Jésus-Christ n'est pas le sauveur, c'est Dieu qui est le sauveur. Qu'est-ce que vous en dites? Comment? Mais pourtant, on voit ici Dieu sauvé, Jésus sauvé. Donc il y a deux personnes. Donc, tourne-toi avec quelqu'un, donc allons-y, allons-y, tourne-toi avec quelqu'un. Dis même si tu vois Dieu sauveur. Tu vois Jésus sauveur. Ésaïe 43, 11. Est clair. Il n'y a qu'un seul. Tu vas choisir entre Dieu ou Jésus là. C'est l'écriture là maintenant. D'accord, frère. Vous êtes content ou vous n'êtes pas, content? On touche encore un autre attribut. Prenez, je vais vous donner quelques versets. Prenez, on va lire dans la prochaine séance. Romains chapitre 8. Je vais vous donner les écritures. Romains chapitre 8. C'est beaucoup. Je vais certainement m'arrêter. Donc, Romains chapitre 8, notez. Donc, on va développer cela dans l'autre aspect de l'un de ses attributs. Romains chapitre 8, le verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. Luc chapitre 2, verset 7. Luc chapitre 2, verset 7. Michée chapitre 6, verset 7. Je vais dire Romains chapitre 8, verset 29. Luc chapitre 2, verset 7. Vous voyez comment dans ce livre-là, justement, je cite là, lorsque les anges sont venus voir ces gars qui gardaient le brebis, dit que car c'est aujourd'hui dans la ville de David, vous êtes un. Et Dieu avait promis que c'est lui le seul sauveur. Et il dit que c'est lui qui promet la délivrance et qui délivre. Celui qui sauve. Il a promis ça. Il est celui qui fait. Ce n'est parmi vous un Dieu étranger, afin que vous ne dites pas que c'est vous qui avez dit. Donc Michée chapitre 6, verset 7, vous avez noté. Hébreux chapitre 1, verset 6. Hébreux chapitre 1, verset 6. Éphésiens, là. Hébreux chapitre 1, verset 6. Jérémie 31, verset 9. Jérémie 31, le verset 9. Job chapitre 18, verset 13. Job chapitre 18, verset 13. Nombre 8, verset 17. Même en citant, même en prenant verset après verset, ça ne change rien. Jusqu'à quand même Dieu. Amen. Même si vous voyez le Père de notre Seigneur, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est quand même Dieu. Amen. Mm-hmm. Même si vous dites que la grâce de notre Dieu est Père, l'amour du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit, vous entendez trois là, c'est quand même Dieu. Amen. Mm-hmm. Il dit Nombre chapitre 8, n'est-ce pas? Le verset 17. Job chapitre 17, verset 1. Non, Josué chapitre 17. Josué chapitre 17, verset 1. Deutéronome 33, 17. Que Dieu vous bénisse vraiment. Donc, la prochaine séance, nous allons lire cela et on va découvrir ce qu'il en est. Deutéronome 33, verset 17. Il y a dit Josué, n'est-ce pas? Josué, chapitre 17, verset 1. Mm-hmm. C'est ça? Oui. Lévitique, chapitre 27, verset 26. Lévitique, chapitre 27, verset 26. Exode 22, 29 à 30. Exode 22, verset 29 à 30. Exode 34, verset 20. Exode 34, verset 20. Zacharie 12, verset 10. Que Dieu vous bénisse vraiment, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Ésaïe chapitre 43, verset 3. Ésaïe 43, verset 3, 11. Ésaïe 43, verset 3, verset 11, verset 14 à 15, 21. Voilà. Prenez donc Ésaïe chapitre 12, on va lire maintenant Ésaïe chapitre 12. C'est Ésaïe chapitre 8, on va lire une partie là-bas. Ah, c'est merveilleux. Dans la série de lectures que je vous ai donné, notez aussi Colossiens chapitre 1, verset 15 et verset 18. Vous avez noté, frère? Notez Ésaïe chapitre 11, verset, mais c'est merveilleux tout simplement. Ésaïe 11, verset 1 et 2. On va lire Ésaïe chapitre 12, d'accord, et puis on va rentrer Ésaïe chapitre 7. Chapitre 8, pardon. Ésaïe 12, regardez bien. Ça, c'est le chant de délivrance. Ésaïe chapitre 12. Tu diras en ces jours-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous y êtes. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous savez de qui on doit parler, n'est-ce pas? Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion. Je vais vous lisez la suite. Il est où? Il dit, tout juif sait que le Messie qui vient au milieu d'eux est Dieu. Dans ces Ésaïe 43 que vous avez donné, je vous ai dit le verset 3, le verset 11, le verset 14, le verset 15, le verset 3. Il dit que ton Créateur est ton époux. Le Saint d'Israël est son nom. L'Éternel des armées est son nom. Je ne connais point de rédempteur en dehors de l'Éternel. Le Saint Dieu, il dit qu'il pousse des cris de joie pour fille de Sion. C'est une prophétie que Ésaïe chapitre Zacharie 9, 9 va dire, ils sont venus, 3 va aussi en parler. Pousse des cris de joie, il est au milieu de toi. Le Saint d'Israël. Et on appelle dans Ésaïe 43, verset 3, qu'il s'appelle le Saint d'Israël, virgule, le roi d'Israël. Ce nouveau quand Nathanaël s'est présenté devant lui, quand il a dit que voici un Israël dans lequel il n'y a point de fraude, il dit, Rabbi, tu es le roi d'Israël. Il n'est pas du roi en descendance des hommes, parce qu'un roi hérite de son père qui est roi. Son père physique, Joseph, n'avait rien à voir avec la paternité des royaux. On dit qu'il est né roi. Pas qu'il devient roi. Jamais il est né roi. Donc celui-ci vient dire qu'il est le roi d'Israël. Il dit comme ça, là, le roi, mais de l'autre côté là-bas, avec ce héros qu'il en est géré, avec Ponce Pilate. Lui, il est ici sous les arbres. Il dit qu'il est roi. Le roi sous arbre. Mais il est quand même le roi d'Israël. On dit qu'il est le roi d'Israël. Souvenez-vous de ceci. On ne dit pas qu'il est un des rois d'Israël. On dit que ton roi vient. On ne dit pas le roi qui vient parce que tous les juifs connaissent que ce n'est pas un roi humain. C'est ça, frère. Donc ici, on dit que pousse des cris de joie, fille, habitant de Sion, parce que... Non. Il dit dans ce verset, c'est le verset, ce qu'on a de lire là. C'est fini là. Le chapitre 12, regardez là, frère. Il me regarde comme ça, il est étonné. Le verset, il dit quoi? Ça finit comment? Le Saint-Esprit l'a indiqué en disant le moment où on va pousser des cris de délivrance, il sera au milieu d'eux. Il était plein là. Au milieu. Et dès que c'est là, on va puiser l'eau. Il a dit à cette femme-là, quand elle puise l'eau, que si tu savais qui te dit, donne-moi de l'eau à boire. tu aurais toi-même venu vers lui qui te donne l'eau qui nous avons. Il dit, c'est comme ça, oui, donne-moi l'eau. Par exemple, c'est fatigant l'histoire de la terre. Elle voulait entrer dans le repos. Quand vous avez ces eaux, cette eau-là, vous entrez dans le repos. Nous qui croyons, nous entrons dans ce repos. Chapitre 8, donc. Regardons chapitre 8. Si vous êtes prêts, on va. Ok, maintenant, verset 11 et suivant. Regardez très attentivement. Chapitre 8 d'Isaïe. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Verset 12. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Maintenant, verset 13, soyez attentivement. Je vais vous lire, vous allez souligner chaque fois. C'est des armées que vous devez endurer l'Éternel. Ou bien l'Éternel des armées. Vous savez, quand on dit l'Éternel des armées, ça veut dire c'est le Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas? C'est El Shaddai ici, n'est-ce pas? Maintenant, l'Éternel des armées, YH de Hachabor. Ben, maintenant, regardez, on avance. C'est endurer lui. Vous allez lire, votre Bible, si vous allez lire ça autrement. Vous avez entouré l'Éternel des armées, vous avez entouré lui, faites descendre le but de votre tracé entre l'Éternel des armées et lui. Mettons-y. Donc, nous sommes d'accord que lui-là est pour la personne que vous venez d'entourer là. Nous sommes d'accord. Continuons ici. Maintenant, il dit, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il entouré il. Ou quitter de lui maintenant à il. Et il sera un. C'est pour ça que dans la première partie, je vous ai dit qu'on va parler de lui en tant que sacrificateur et sacrifice. Comment quelqu'un peut être sacrificateur? Un sacrificateur est censé aller donner un sacrifice. Il arrive là-bas, c'est lui-même qui donne. Le sacrificateur donne un sacrifice. Vous voyez que Aaron était le type de Melchizedek. Et le sacrifice qu'il donnait typifiait Jésus. Donc Jésus qui joue le rôle de Melchizedek, joue le rôle de sacrifice. Donc vous tournez la table, la personne qui est là-bas, c'est lui. Vous regardez autour de la table, la personne qui offre, c'est lui. Comment quelqu'un peut souffrir lui-même? Et le temple, c'est encore lui. Que Dieu nous vienne en aide vraiment de comprendre. Verset 14 dit, et il sera un sanctuaire, mais aussi une et un entouré sanctuaire, pierre d'achoppement, rocher. Vous avez souligné. Donc, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Verset 15, écoutez, donc, plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Je m'arrête d'abord là-bas. Maintenant, vous commencez. Vous me lisez en ordre tout ce que vous avez entouré. Allons-y. L'Éternel des armées, lui, c'est lui qui est sanctuaire, oui. Pierre d'achoppement, rocher. On va commencer par le bas maintenant, avant de monter. Allons-y. Vous riez. C'est la Bible, ça. C'est les Écritures. Il vous a dit que c'est là, le prophète, c'est plein là-dedans. Alors, vous voyez que je n'ai pas posé de questions. Vous avez commencé à rire, non? Vous avez vu que je n'ai pas posé de questions. Vous avez commencé à rire. Je recommence encore. Lisez du bas jusqu'en haut. Allons-y. Non, c'est le rocher des scandales, vous devez souligner. D'accord? Allons-y. Oui. C'est bon là-bas. Il s'agit de qui déjà? Continue en haut. Un sanctuaire. Oui. Lui. Lui. Éternel. Voilà. Comme vous avez vu, c'était Jésus. Commençons donc. Là, on a écrit par rocher des scandales, remplacé par Jésus en montant. Donc, rocher, regardez bien. Rocher des scandales et puis l'achèvement, c'est Jésus, non? Oui. Commençons donc. Mettons ça à Jésus, avançons, allons-y, Jésus, après Jésus, c'est oui, et oui, c'est lui, c'est l'Éternel des armées. Amen, fais-moi la Bible, que Dieu vous bénisse. Je vous salue donc. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, la prochaine fois, on va développer l'attribut du sauveur et du rédempteur dans ses profondeurs. Puis, on va toucher le premier nez. D'accord? L'attribut du sauveur et des rédempteurs. Puis, on va toucher le premier nez. Maintenant, je prends les questions. Donc, qui est d'accord que il, c'est lui? Qui est d'accord? qui est d'accord que lui là c'est l'Éternel des armées, qui est d'accord que lui il est le rocher de standard, qui est d'accord qu'il est le sanctuaire, qui est d'accord qu'il est le Seigneur Jésus. Il y a toujours quelqu'un encore, dit que tu le veux ou pas. Jésus-Christ est le Dieu d'Israël, le créateur des cieux et de la terre. Même si tu dis qu'il a pleuré quand il était petit, couru dans la boue. Marie a dû le gifler. Il giflait quand même Dieu. C'était quand même Dieu qui pleurait. S'il jouait en dribblant les gens, c'est Dieu qui jouait en dribblant. Que ça ne vous scandalise pas. Un jour, il a bagarré avec Jacob. Vous vous souvenez? Il a bagarré. Vous vous montrez, la Bible dit que c'est Dieu. Il a fait comme ça. Jacob a fait comme ça. Il a fait bam. Jacob a fait comme ça. Dieu, il a dit que laisse-moi partir. Il dit, laisse-moi partir. Il a fait la bam. Il a tapé là, en son ange. Il dit, merde. Jacob a dit que vrai, vrai. Lui, il a dit que Dieu, si tu es un simple homme, tu veux le mettre. Alléluia. Il dit que tu as bagarré avec les anges et tu as été vainqueur. C'est ça? Il dit qu'il a bagarré avec Dieu. Alors vous lisez ça sur le tandoor en tant que musulman, vous déchirez, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même vrai. Vous êtes d'accord que Jésus est Dieu? Même si vous n'êtes pas d'accord, vous allez faire comment? Votre cœur va se demander qu'il est Dieu. Mais même si même n'est pas obligé d'être d'accord, son jugement sera d'accord que c'est lui. Il n'y a pas le choix, il faut le trouver là. Amen. Et là, c'est ça le vrai. Oui, donc on prend une question où là? Oui. Par rapport à mon Dieu, il est là. Oui. En fait, ce que je voulais savoir, que, comment est-ce que Dieu l'a d'abord a dit à Balaam. Dans Matthieu chapitre 19, verset 16, ce que tu voulais poser, c'est répondu. Matthieu 19, non, c'est pas. Commençons par là. Vous êtes content quand c'est, on nage dans les écritures, frère. Ne vous inquiétez pas, quand on va toucher maintenant, on va déshabiller, enlever les strings que porte la Trinité. Vous savez que le string a trois côtés, ce qui descend là, ce qui vient de deux côtés. Oui. Vous parlez de Matthieu 16 là. Matthieu 19, 16 là. Oui. Donc ça a déjà été répondu. Ok, donc. Parfois un nombre de lieux là. Puis c'est moi qui ai donné le nombre, venez-moi, commencez par te poser une question. C'est qui un prophète? Bon, on laisse, pose ta question. Ne complique pas la vie, pose ta question alors. Ok, je veux savoir comment est-ce que Dieu pouvait parler à Balaam et lui dit de ne pas aller vers le roi de Balaam et puis et de ne pas les suivre. Oui. Suivre les serviteurs de Balaam. De Balaam. Mm-hmm. Et en plus, bon, en fait, je me suis dit que cette entité, les. Bon, il a d'abord consulté le Seigneur. Le Seigneur lui a dit de ne pas les suivre. Mm-hmm. Mais je me rends compte que bien après, quand ils sont revenus, il n'a pas encore consulté le Seigneur. Maintenant, le Seigneur lui dit, bon, je voulais savoir si... je veux comprendre comment est-ce que Dieu, le Seigneur peut lui dire quelque chose et dire encore le contraire après. Quel contraire il a dit? En fait, lui dit de ne pas aller. Mm-hmm. Et puis, il lui dit encore d'aller. Bon, il a dit, il lui a déjà dit ça, il avait entendu. Il venait donc chercher encore quoi? Tu as la Bible entre tes mains, frère. Tu as ta Bible, lève ta Bible. Je te pose une question. On est dans la vérité, pas vrai? Et même si. Rentre derrière, vous le voyez bien. Même si tu ne dis pas la vérité va sortir là maintenant. La Bible a dit dans Colossiens chapitre 3, verset 5, ne vous mentez point les uns les autres, pas vrai? Depuis que tu es chrétien, tu n'as pas menti. Non, dis à haute voix, comment tu dis encore petit maintenant? J'ai menti. Quand tu as dit ça, le Colossiens a changé. Non. Ce qui est dit là-bas, c'est la voix de Dieu, pas vrai? Malgré que tu as écouté la voix de Dieu, tu as fait exactement comme Balaam, pas vrai? C'est exactement ce que les chrétiens font aujourd'hui. Vous voyez, 2 Corinthiens chapitre 6 par exemple dit, c'est pourquoi mon peuple sortait du milieu d'eux. Qui a parlé? Un autre chrétien dit que moi je reste ici tant qu'il me parle. Il a parlé ou n'a pas parlé? Que peut-être Dieu peut m'utiliser à l'intérieur pour changer les choses. Donc il va écrire 2 Corinthiens chapitre 7 maintenant verset 24 pour lui. Il faut que Dieu écrive ça pour lui seulement. Hein frère? Il a déjà parlé, non? Les choses sont dites dans la Bible, vous ne comprenez pas ce que ça dit. Donc Balaam était le symbole de quelqu'un qui écoute de Dieu, il veut que Dieu dise autre chose. Et donc Dieu dit comme il va, comme il veut penser. Il entre donc dans la volonté permissive du Seigneur. Et là-bas, il y a toujours les sanctions. Toujours les sanctions. D'accord, mon cher? Lorsque Dieu a dit à l'ancien livre de 1 Roi, chapitre 13, ce livre des rois, 1 Roi, chapitre 13, le jeune prophète à qui Dieu a dit clairement d'aller, quand tu vas aller, le chemin par lequel tu vas rentrer, n'a pas le chemin, tu n'as pas retourné, n'y mange pas. Et il a dit clairement que, ainsi m'a parlé l'Éternel, dans le lieu là, tu ne dois pas manger. Un autre prophète vient lui dire qu'un ange m'a apparu à Rodi, m'a dit que tu viens, tu manges moi. Il a commencé à manger. Dieu n'est pas passé par ce même prophète là pour prophétiser contre lui. Le lion l'a mangé. Dieu ne badine pas. La première parole de Dieu est parfaite et définitive. Donc, comme c'est écrit là, on ne peut pas changer. Donc, par contre, on peut dire par exemple que, comme c'est écrit que l'Éternel est le sanctuaire, le rocher scandale et Jésus, on ne peut pas changer, il est Dieu. Amen. Pose tes questions, sens-toi à l'aise, d'accord? Je peux pas comprendre quelque chose. Par exemple, bon, je peux rester là, j'entends peut-être une voix qui me cite un passage biblique, oui, me disant d'oublier à ce passage. Oui. Bon, maintenant, à ce niveau-là, et comment on fait déjà pour savoir si cette voix-là vient du Seigneur, puisque la voix m'a seulement parlé, je ne sais même pas la voix de qui ça vient. La question qui pose, le fait que tu poses la question montre que la voix pose un problème. Le fait que tu poses cette question là montre que la voix là pose un problème. Parce que la voix là ne dit pas toujours la vérité, pas vrai. Souvent c'est bien, c'est pas faux. C'est pas faux, souvent c'est bien, c'est faux, non. Comme frère dit, comment tu me poses la question quand il te pose. Amen, tu... amen comment encore comment c'est hein? Vrai. Alors maintenant ça pose, dit, automatiquement ça règle le problème. Est-ce que dans l'esprit de Dieu peut dire quelque chose, un temps vrai, un temps faux? Non. Il y a un problème, donc ça pose un problème. C'est pour dire que quand une voix sort pour dire pour parler de l'Écriture, ça ne peut pas toujours dire faux. Satan a dit qu'il sait que le jour où mangeau serait comme de Dieu. C'était faux. Parce que c'était faux ce qu'il avait dit. Non. Quand il a dit qu'il est écrit, il est écrit qu'il enverra ses anges et qui te portent sur les mains, les peurs que ton pied une pierre. Il disait mensonge. Non. Il a cité les Écritures. Si le Seigneur tombe d'un cœur, il y a un ange qui va le porter. C'est pas ça? Donc les Écritures sortant d'une voix n'est pas certitude que dire c'est la voix de Dieu. D'accord, mon frère? Il faut admettre qu'il y a un problème dès le départ. Tu admets cela, ça, c'est le premier pas. Je vais vous expliquer quelque chose que j'ai expliqué dans les enseignements. Dieu m'a appris ces choses-ci comme ça. Quand je prêchais, quand j'étais jeune, je prêchais, il y a des gens qui faisaient les choses là-bas. Vous savez comment on prophétise, ainsi parle l'Éternel, c'est pas le Seigneur, vous savez, c'est pas le tu parles, c'est continue seulement à enseigner. Vous n'avez pas le pouvoir, on ne combat pas les esprits avec la chair. Vous devez avoir la direction du Saint-Esprit. Il y avait une femme particulièrement qui prophétisait, il a dit ça plusieurs fois dans les enseignements, qui prophétisait. Ça divisait des gens. L'église, c'est pas mon église. Oh. C'est l'église, c'est né Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un de choses scandale, quelqu'un, il passe, c'est son problème. Mais il veut faire tout pour que moi, je ne sois pas un scandale. Donc, si quelqu'un observe quelque chose, il parle, que c'est Dieu qui a voulu qu'il parle, qu'il parle. Il n'appelle pas quelqu'un. Pas vrai? Alors, c'était lui là-bas, il prophétisait. Je suivais. Même ma femme disait que non, arrête ça. Il n'a pas le pouvoir d'arrêter. Dieu doit arrêter. Il s'est regardé dans la Bible. Dieu doit arrêter. Il doit redonner la solution. Mais j'ai prié dans le secret. Que ça me donne mal la direction. Parce qu'il y a une chose. Lui, une personne qui reçoit le message spirituel est convaincue que ça vient de Dieu. Amen. Donc il faut la sagesse pour la redresser. Quand c'est une compréhension humaine, je peux présenter la compréhension, mais quand c'est une chose spirituelle, c'est une autre chose. C'est pour cela que les marabouts, les femmes, vous qui constituez les marabouts, ils savent la réalité de l'autre monde. Parce qu'un esprit leur parle. Tu ne peux pas prouver le contraire qu'il ne travaille pas avec Dieu. Parce que ces esprits qui viennent, ils les trompent en disant que c'est Dieu. Ils sont dans la divinité. Et par conséquent, il faut une autre puissance supérieure pour commander que ceux-là fibriquent contre le Dieu. Je sais des gens qui n'ont pas la puissance. C'est n'est pas juste parce qu'ils confrontent quelqu'un qui a une puissance plus élevée, ils commencent à sonder que cette puissance est plus élevée. Si tu viens là-bas, tu dis que laisse ton truc là, Dieu n'aime pas ça, il dit que tu es à tête, ne tient pas. Que c'est même Dieu qui m'a donné le pouvoir. C'est pour ça qu'on les appelle mini-ici, c'est-à-dire le petit Dieu. Tu me saisis, n'est-ce pas? Donc, ce style de personne, c'est à la puissance de Dieu qu'il faut le confronter. Tu peux aller dire au marabout, va prêcher ton évangile au marabout. D'abord, mais il y a les marabouts qui, le jour du 31 pour la traversée, viennent à l'église en blanc. Il sort là-bas le lendemain, le pasteur, quand on le poursuit, il vient chez lui. C'est pas ça, frère? Non. Je dis donc ceci, quand nous avons ces personnes devant nous qui sont les spirituels, ce n'est que la partie spirituelle qu'il faut traiter. Donc maintenant, je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui prêche enfin dit, il te lève, ainsi parle le Seigneur. Un jour, on m'a invité quelque part derrière la radio Vignova pour prêcher. Ils ont fini par parler ce qu'ils parlaient là, le soir. Après, l'autre, c'était, j'ai entendu seulement, j'ai dit, c'est encore fort ici là maintenant. C'est quoi ça? Qui veut siffler? J'attends l'autre maintenant que, prêtez attention, c'est le moment de prophétie. Dieu. Wanda, je suis venu, il dit, je suis venu, c'est le moment de prophétie. Il y a un moment de prophétie annoncé, donc c'est un sonnet d'alarme pour le moment de prophétie. Il dit que, ainsi parle l'Éternel, je suis au milieu de vous. C'est nouveau ça? Il a déjà dit que quand vous rassemblez, il est Vous n'avez pas besoin de prophétie sur cela. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Dieu aime ses enfants, pas frère. Pas une prophétie. C'est pas une prophétie. Puis encore, bientôt, ne regardez pas comment vous êtes petit comme ça. Vous êtes, votre église sera une grande église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est pas l'église d'une autre personne. Donc vous pouvez balayer des prophéties là d'un réveil de la main. Suivez ça, frère. Alors pendant que tu es prêché, donc il m'arrête donc pour corriger cette chose. Il dit que madame, toi, lève-toi. Lève-toi. Oui. Toi, tu viens, tu pars. Tu viens, tu pars. Tu quittes, tu pars. Tu pars et tu dis des choses. En fait, je voulais leur montrer seulement quelque chose. J'étais au milieu de la prédication, il m'arrête, il dit quelque chose à quelqu'un. Il dit, le prophète qui était là-bas maintenant, comme ça, regarde, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, toi, tu es la maman de la maison, oui. Tu aimes le Seigneur, mais on t'a déçu. Tu as voulu même fermer ces choses. Il dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, est-ce qu'il est créé que ainsi par l'Éternel? Il dit, non. Il dit, comment je sais toutes ces choses? Il dit, on conduit la prédication. Alléluia. Oh, maintenant, le frère qui fait ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, il vient lui dire, Seigneur, frère, c'est pas Dieu qui te parle. Il a deux alternatives. Ou il va te fuir pour ne plus jamais t'entendre. Quand il te voit chaque fois, il ne veut pas avoir quelque chose à voir avec toi. Ou bien il s'humilie, il entend. Mais c'est la première option que les gens observent. Pourtant, tu veux l'aider. Tu comprends? Oh, maintenant, comment aider ce style de personne? Il faut l'amener dos au mur pour qu'il voit que quelque chose ne va pas. C'est comme ça, c'est ça que Dieu m'a guidé depuis. Vous venez devant le genre, remarquez bien, Jérémie a eu ce problème-là. Il est venu là prêcher, il prophétise que ainsi parle l'Éternel, soumettez vos coups entre sous le joug de Nebuchadnezzar, parce que c'est la volonté de Dieu. Il s'est tourné là-bas. Il a dit qu'il a fait les cornes en bois. Il a dit, quand le roi a sorti les doigts comme ça, il a dit que, fort. Ainsi parle l'Éternel. Avec le corne, si tu vas frapper le roi de Babylone. Vous savez, ils savent que le roi, même le roi lui-même connaît que la puissance que Nebuchadnezzar a là, personne ne peut vaincre. Mais il veut aussi entendre ce qu'il va aussi vaincre. Les gens aiment la fausseté. Tu vois une fille, elle marche là comme ça, elle a du mal à marcher, elle marche même comme une grand-mère. Mais elle aime que tu lui dis quand même qu'elle marche comme Jennifer Lopez. Même quand même, elle sait. Tu vois, c'est elle, même elle sait que son nez est plat, elle dit non, ton nez est un peu comme Marie Yasson. Elle dit merci. Mais peut-être elle va au miroir, elle voit le contraire. Donc les gens aiment le mensonge, quand on le ment. Et les prophètes sont là pour les mentir, effectivement, comme ça. Alors, je connais, quand elle a dit ça, Jérémie ne pouvait rien dire, sourire très attentivement. Jérémie ne pouvait rien rentrer à la maison. Dieu lui a parlé, il dit, Seigneur Dieu, il a dit, va lui dire, et c'est pas le tenir, c'est élevé, il s'est éventuel devant lui. Il dit, avant toi et moi, il y a des prophètes. Si un prophète prophétise la guerre ou bien la famine, c'est pas l'accomplissement qu'on sera que ce prophète. Pas vrai? Et si pas l'Éternel, tu mourras cette année. Donc on va savoir exactement qui est prophète. C'est simple. Car c'est parole contre parole. On va voir qui Dieu va accomplir. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc cette confrontation-ci. Mais si c'est un frère qui a été prophétisé par la séduction de l'esprit, il y a une autre façon pour l'amener. Ce qu'il faut amener, c'est attendre jusqu'à ce qu'il fasse l'erreur quelque part. Comme je te pose la question que la voix parle. Il t'a donné un verset biblique. Satan peut faire cela. Il donne les songes qui sont accurés. Qui sont accurés, c'est en anglais ou en français, ça? Accurate. Ça, c'est en anglais. Qui est, donc, quand un sang, ils te disent les choses et c'est vrai. Maintenant, si ça vient faux, comment, qu'est-ce que tu vas dire? Donc, alors cette soeur s'est levée un de ces jours. Au milieu de la semaine, quand elle me prophétise, il reste tout en cœur. Elle dit, ainsi parle l'Éternel. Je suis au milieu de vous, le Saint-Esprit dit, avance. J'avance vers elle. Elle dit, frappe au milieu de ça, t'es fait. Bam! Elle me suis tournée. Elle dit, ah! Oh, il va sortir. Voilà la personne qui prophétisait. Si j'étais parti en disant que ma soeur, ce n'est pas Dieu qui te parle, le problème c'est qu'elle reçoit des voix. Mais comment tu vas lui prouver que cette voix qu'elle a, n'est pas la voix de Dieu, parce qu'elle aura 98% des choses qui seront dites vraies. Donc on peut négliger les 2%. Vous voyez ça, frère? Alors il faut savoir laisser guider par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aimer les gens plus que Dieu, jamais. Tu ne peux pas aimer les gens que Dieu. Non, c'est pour ça va détruire les gens. Ne détruis pas, c'est l'enseignement de Dieu. C'est l'enseignement de Dieu pour qu'on ait plus d'éclaircissement, plus de discernement. Alors tu entends, je suis dans sa vie depuis 15 ans. Il dit, voilà, voici votre ainsi par l'Éternel. C'est comment maintenant je commence à dévoiler. Elle allait chez un marabout. Le marabout a couché à côté de son hôtel. L'esprit là est entré. Or, cet esprit, le but pour lequel il était couché là-bas, quand il était dans le monde, c'était pour la consacrer, pour qu'elle devienne une voyante. Quand elle vient maintenant dans l'église, comme elle a perdu l'aspect quand les gens peuvent venir consulter, il s'infiltre là-bas en voulant maintenant faire la même voyance sous la forme moderne avec la Bible. Beaucoup de pasteurs sont comme ça. C'est pour cela qu'il faut la délivrer. Enfin, toi, tu as un cas, n'est-ce pas, c'est ici que nous avons vu un chrétien petit posséder, non? Il dit ton cas, c'est pas toi et nous qui nous avons fait ça ici. J'ai parlé, après j'ai dit que j'ai expliqué que quand quelqu'un, pourquoi on doit chrétien de la même façon, il faut passer par la délivrance, non? J'ai parlé à ta femme ici, n'est-ce pas? Qu'elle sera libre. Comment était ta femme et comment elle est maintenant? Allons-y, frère. Si elle va bien maintenant, par la grâce de Dieu. Et les choses sont améliorées. Tu la sucres maintenant, elle te sucre maintenant bien. Alors qu'avant, c'était le nez de la guerre. Et je lui ai dit que c'est tout à l'heure, tu seras libre. Tu as vu comment cet esprit a été tenace ici, pas vrai? Donc c'est comme ça. Il faut qu'il y ait un changement. S'il n'y a personne qui ne change pas à l'intérieur, et le bon comportement, ça va te rattraper. Parce que la chrétienté, il ne s'agit pas de bon comportement. Il s'agit de la nature de Christ en nous. Si ça ne se trouve pas, tu ne peux pas imiter. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est la nature de Christ en nous vient au fur et à mesure grandir pour produire le fruit qu'est cet arbre-là, l'arbre de vie. Donc n'essayons pas d'imiter la vie de Christ. Acceptons tout simplement que sa vie demeure en nous. Quand ça demeure, ça commence à produire sans que vous ne sachiez. N'essayons pas d'imiter la vie chrétienne. C'est pour ça que je vous dis chaque fois dans les enseignements que faites attention de ne pas inviter les gens à l'église qui viennent à l'église. Parce que si quelqu'un vient, il commence à être conforme à vous. Il va être conforme à vous pour vous plaire. Dehors, il va être pire. Après, il va dire que non, ne faites plus ça. Hein. Vous allez commencer à faire le conformisme. L'intérêt n'est pas changé. C'est un danger là-bas au milieu. Laissez-la tranquille, elle fait ses choses. Laissez-la tranquille. C'est le Seigneur qui appelle. Laissez le Seigneur l'appeler. Laissez-la. On n'est pas là pour que les gens viennent à la, que les gens viennent dans le corps. Si Dieu veut les sauver, il va les sauver. Vous savez, c'est ça. Si Dieu veut les sauver, il va les sauver de toute façon. Ne faites pas que les gens veulent s'asseoir. Que non, en écoutant, commencez pas avec les philosophies. Que non, en écoutant la parole, ça peut les transformer. Faites attention. Faites attention, c'est un danger. Faites attention, c'est un danger. Vous allez commencer à vivre dans l'hypocrisie avec eux. Vouloir faire qu'ils marchent dans le commandement. Vouloir que quelqu'un imite une poule commence à nager comme un canard alors qu'elle n'a pas les palmes. Vous ne pouvez pas faire autrement. Si elle n'a pas les palmes, ne force pas à entrer dans l'eau. D'accord, mes frères? Laissez les gens tranquilles. Si quelqu'un, je sais que vous avez les sentiments au point où je souhaite que ma fille soit sauvée. Que mon frère donne sa vie à Jésus. Il donne, je ne prends pas. Tu vas faire comme tu vas forcer qu'il prend. Donc faisons attention. Il faut le discernement pour séparer ces choses-ci. Plus de personnes, vous allez voir plus de personnes dans le monde. C'est que j'ai une vision de l'enfer. Où sa vie, ça ne suit pas. La personne qui te raconte l'histoire, où elle a les boucles, elle les rouges, elle est comme si c'était les pompongais. Donc il a l'eau à l'enfer. Il a seulement vu les pasteurs qui parlent parce qu'il ne paye pas les dîmes. Il n'a pas vu ceux qui portent les rouges à lèvres là-bas. Elle parle comme ça, c'est 500 dehors. Que Dieu l'aide. Le problème, c'est qu'elle a vu quelque chose. La question, c'est qui lui a montré. La Bible dit clair que Satan se présente en ange de lumière. Donc, il ne va pas te venir avec les ténèbres, jamais. Satan peut faire comme ça. Tu vois un endroit qui est calme, qui a la paix, qui a les arbres bien dressés. Un monde où tout est en paix, où il y a le silence. C'est quoi que tu es au paradis? Jamais, c'est pas ça. Pourtant, c'était chez Satan. Souvenez-vous de cela. Satan lui-même se présente en ange de lumière. Il n'est pas étonnant que ces ministres se présentent, se déguisent en ministre de justice. Donc ils vont passer pour les justiciers. Quelqu'un qui fait les choses qui sont droits, mais ce sont les lourds ravisseurs. Citez-moi les gens qui sont calmes, simples comme les orientaux. Il y en a. Citez-moi les gens qui sont plus calmes, doux et bons comportements comme les musulmans. Il y en a. Mais ce sont les serpents, de toutes les façons. Citez-moi les gens qui sont calmes, qui respectent l'autorité, qui sont calmes. Quand je vois sur les antennes, ils sont posés pour que les femmes soient les rosicruciens. Qui maîtrisent bien, tu parles n'importe comment. Le chrétien parle, c'est la secousse, c'est né. Le recueil est comme ça, il est calme. Il est plus calme que lui. Mais pourtant, c'est un sataniste. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, faisons attention. N'essayons pas d'imiter la voix de la main. Il faut seulement que la plante soit là. Si on reçoit avec douceur la parole qui a été plantée en nous, ça va sauver nos âmes. Si on ne reçoit pas cette parole-là, ça ne marchera pas. Vous allez imiter n'importe comment. En fait, vous allez voir que vous tournez en rond. Vous essayez de préférer par votre force, ça ne donnera pas. Vous allez comprendre qu'il faut que le cœur soit adouci et amoindri par la grâce. C'est pas la grâce que ça coule. C'est-à-dire que si vous êtes n'importe quoi, c'est plus fort que vous, laissez ça entre les mains du Seigneur. Dis seulement, Seigneur, il te fait confiance. Vous allez voir l'ouvrir à l'œuvre. Il y a seulement des choses qu'il ne peut pas déclarer. Parce qu'il sait que c'est Dieu. Il ne peut pas encore déclarer. Oui, frère. Tu es étonné pourquoi? Pas tout ce qui s'est dit, vraiment, je sais que ça, c'est la vérité. En venant à l'église, amenez vos voisins. Vous savez combien c'est? Parce qu'il sait que s'il y a 10 voisins, 1000 francs, ça fait combien? 10 000. Directement. Amenez vos voisins, tu amènes vos voisins. Frère, la dernière fois, vous avez dit, il y a quelque chose que vous voulez nous parler, mais vous cherchez, voir les moyens. Comment vous expliquez cela? Ça portait sur quoi, par exemple? Par rapport à notre comportement, à notre vie chrétienne. Non, il dit que ça va venir là-dessus. On va venir là-dessus parce que c'est un thème. Même aujourd'hui, là, les frères qui sont ici sont au courant. À 3h, il s'est levé là comme ça pour les réveiller. C'est pas vrai. C'est ça ou c'est pas ça? Il vous a réveillé dans toute la chambre. Il s'est levé, vous mettez-nous à genoux. C'est pas vrai. On sait pas ce qui s'est passé dans la chambre. Donc, c'est là, c'est fort. C'est fort, c'est devant. Donc, le jeûne, c'est une chose. Après, il faut qu'on travaille là-dedans. D'accord, frère. Si elle dit, peut-être tu ne viendras plus. Donc mieux, je garde comme ça, pourquoi vous venez? Amen. Donc on va venir doucement, doucement. Il faut qu'on aille doucement, doucement. Mon but le plus ultime, c'est que nous tous, nous soyons en communion avec le Seigneur. Ce serait quand le frère Sylvie dit que le Seigneur m'a monté des choses. Le Seigneur m'a monté des choses. On est plus au courant des choses de Satan plus que de Dieu. C'est la preuve, quand il rêve, un cœur m'a dit que, une voix m'a dit que personne ne peut parler avec la certitude que Dieu m'a fait ce mais, Joseph dit clairement que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous ne venez nulle part où Dieu a envoyé. Il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais on dit, non, j'ai eu un rêve. Je ne sais pas si ça vient de Dieu ou bien de Satan. Pourquoi cette ambiguïté aujourd'hui? Il faut qu'il y ait séparation. Il faut que les choses qui appartiennent à Satan sortent pour Satan. Et que nous servons Dieu, que nous servons Dieu en esprit et en vérité. D'accord? C'est mon but là-bas. Et je vais vous les présenter chaque fois, les choses qu'il veut qu'on présente pour construire ces jalons-là jusqu'à ce que la maison soit solidifiée. D'accord, frère? Voilà. Ça va, mon cher William? Pose la question, sens-toi à l'aise. Parce que quand on va finir, là, vous allez commencer à bavarder fort. J'espère que mes réponses ne vous frustrent pas. Même si ça vous frustre, ça va vous faire du bien par la suite, de toute façon. Même si ça vous frustre, c'est la vérité. Quand tu entends une voix, et que la voix dit vrai un temps, fausse un temps, il faut rejeter cela. Il faut rejeter, même si c'est pour Dieu d'abord. Il faut rejeter parce que lui-même, il a dit qu'il n'est pas l'auteur de la confusion. D'accord? Il n'est pas l'auteur de la confusion. Satan ne peut pas te dire les mensonges chaque fois. Il faut qu'il dise quelque chose qui va te calmer pour que tu sois là. Les marabouts s'en tiennent là-bas parce qu'ils disent c'est même certaines choses. C'est vrai quand même. Parce que c'est pour ça qu'eux-mêmes, ils travaillent là-bas. Sinon, ils ne veulent pas. Quand la femme de HP a dit à Paul que ces hommes sont le serviteur de Dieu, ils vous en ont envoyé du salut. Elle mentait. Qui lui avait dit ça? Elle avait lu ça dans la Bible. Parce que Satan connaît qu'elle a la mission du Seigneur Jésus-Christ et la destinée de son royaume. Il connaît. De quand il connaît quelqu'un qui a reçu une commission, il connaît qui il est. Il dit bien, il y a seulement certaines choses qu'il ne peut pas vous dire. Il y a seulement certaines choses qu'il ne peut pas vous dire. Il glisse seulement un peu, pas vrai. Vous permettez. Alors que cette chose-là est arrivée, il s'est terminé là-bas. Il dit que toi, je te connais. Quand tu as été désigné au ciel, je t'avais vu et je savais que tu es venu sur la terre. Bon, on laisse tout ce qu'on a dit là-bas, d'accord, frère? Mais il ne peut pas faire autrement. Il a voulu éteindre l'étoile de Joseph. A-t-il éteint? Pour Moïse, il a pu éteindre. Il ne peut pas éteindre. Aucune des étoiles de Dieu, il ne peut pas les éteindre. Il vient chaque fois. Dans les étoiles de Dieu se trouve la destinée qu'il a mise par rapport à Satan aussi. Donc Satan, en courant pour aller faire quelque chose, accomplir comme ça sa destinée pour celui-là. Donc, Satan, c'est notre coach d'entraînement.